quoi. Vous avez payé une partie de l'équipe. Un de porc chocolat, ça va très bien, ça. Pareil. Ouais, si tu avais un verre d'eau, je serais preneur. Ah ouais, ça va être, hein, c'est sûr. Ouais, on va se faire bien. Manger de porc. Il y a de l'eau, il y a de l'huile de café aussi. Ouais, c'est pas cool. Et donc oui, nous, il y a deux équipes. Ouais, alors déjà en France, il y a deux équipes. Il y a le collectif Myth, nous on fait partie du collectif Myth, où à l'origine on est architecte et après on s'est diversifié. Artiste, philosophe, urbaniste, paysagiste, on a plein de spécialités. Et le collectif Amani One, qui sont aussi archi de formation. Amani One, c'est des Bretons ou quoi? Bah non. Nous on est Bretons, mais pas Amani One. Ok. Et ouais, ils sont pas de Paris, enfin, ils sont pas de Paris, mais le collectif est basé à Paris, mais à la base, enfin, ils sont pas de Paris. Ils se disent comme des blédards, en fait, qui sont pas. Les blédards, des Français de souche. Ouais, les blédards donnent un peu partout dans le monde. C'est très bien. Et en gros, nous, nos collectifs, on travaille de manière indépendante, à Amani One et Myth, mais on se retrouve sur des thématiques qui nous intéressent, notamment le rapport à l'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on a rencontré ensemble à cette résidence. Et donc on a décidé avec l'équipe québécoise d'orienter notre travail, enfin d'aborder la question qu'on nous a posée, réhabiter le fleuve sous l'angle de l'eau comme bien commun. Servez-vous. De l'eau. De l'eau du fleuve. Mais le café s'en met, s'il vous plaît. De l'eau comme bien commun, et du coup d'interroger un peu les notions, réinterroger un peu cette commande, enfin de... c'est quoi réhabiter le fleuve? Est-ce qu'on a déjà habité le fleuve? Comment on... Enfin... et dépasser l'image de base d'un bâtiment sur l'eau. Et donc nous on s'intéresse notamment au milieu de l'eau et de voir le fleuve, enfin de voir cette relation terre-eau depuis aussi notamment le fleuve. Et la question des communs qui traversent tout le fil rouge, de re-questionner la notion de propriété sur terre, la notion de public privé, notamment par les communs. Allô. C'est Julio. Je suis en rencontre parce que... Ouais, je suis en rencontre, est-ce que je peux travailler après ou c'est que la boîte de grillou, c'est parti. Ok, bon, je te laisse le rappeler tantôt. Ok, bisous. Ouais. Bon, désolé. Voilà, et du coup, notamment le commun, on a rencontré Yves Otis, je sais pas si vous connaissez, de Percolab. Ouais, ben on s'est rencontrés il y a longtemps, il y a comme 5 ans, peut-être 6 ans, je sais pas trop. C'est parti de Mex the Commons aussi. Et c'est la même chose, mais c'est en français. Ouais. Ah, c'est pas la même chose que Percolab? Je crois pas, mais non, Percolab, c'est deux entités. Ouais, ok. Et Remix the Commons, c'est le réseau. Ouais, mais ils l'ont mis en anglais, mais en fait, ça s'appelait. Avant, il y avait un nom français, mais c'était quelque chose des communs. Communautique? Il y avait Communautique dans le groupe, mais c'était pas ça. C'était avec, il y avait plusieurs partenaires, il y avait une production, il y avait plein de monde. Puis il y avait. Pas repenser les communs, mais en tout cas, il y avait un. En tout cas, je ne me souviens pas du site, mais c'était quelque chose comme ça. Là, c'était une traduction de Remix the Commons. Et du coup, on a entendu, c'est un membre de l'équipage qui est plus là, qui est déjà rentré en France, mais qui a, en faisant des recherches notamment sur les communs, qui est tombé, je ne sais plus comment. Sur le petit déjeuner des communs. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on se disait, c'est super intéressant, ça regroupe le fait d'être sur l'eau, notre intérêt pour l'eau, pour le bateau, pour la mobilité, pour les communs et pour la recherche. Surtout le chercher à rencontrer des gens qui vivent sur le fleuve et qui ont l'usage du fleuve et qui ont sûrement des choses à dire et qui pourraient nous parler de la relation, en tout cas des Montréalais, avec le Saint-Laurent et notamment les habitants du fleuve. Un peu aussi vous en tant que témoignage, donc comment quel est le projet des Coléris et quelle est sa dynamique, comment vous arrivez à toucher et à sensibiliser, parce que j'ai l'impression qu'il s'agit de ça, d'environnement et de sensibilisation à l'environnement, d'éducation à l'environnement, c'est pas trop. Et donc je pense que vous comme nous, donc, vous sentez que c'est important de sensibiliser les gens, de leur dire voilà, de faire prendre conscience de cet grand élément, de cette grande personne qui est là, qui coule en bas de chez eux. Et du coup peut-être vous pourriez nous présenter le projet Ecomaris, votre beau bateau là. C'est lui qui s'appelle, il s'appelle comment le bateau? Il s'appelle Ecomaris depuis lundi. Ah oui? Il s'appelle Rottersand avant, nom allemand qu'on a changé lundi. Donc, Rottersand est mort. Avatar 5 des morts. Vive les Comaristes. Voilà. Et il vient d'Allemagne. On l'a acheté en Allemagne en 2012. Ah oui. D'où l'annonce? Où ça, même? À Hambourg. Okay. Ah ouais. C'est un bon nom pour les mains du Nord. Ah ouais. Là-bas, on voit aussi la recherche des savoir-faire de la construction. Ah ouais, ok. Ben, c'était au chantier de Bremen, en fait. Ok. Précisément qui était fait, mais nous, on l'a racheté, il était en Hambourg. C'est à côté, là, mais. Est-ce que vous êtes déjà allé ailleurs qu'à Montréal, au Québec? On a été à Québec. Mais okay. On n'a pas eu le temps d'explorer. Vous n'êtes pas allé plus bas, puis vous repartez demain. Et on part déjà demain, c'est super vite. Mais c'était mieux quand même, un peu, j'étais remonté un peu plus haut jusqu'à Tadoussac, un peu plus bas. Mais il y a la tête, ouais, un peu plus bas. C'est cool par là. c'était il y a 13 ans. Donc. Ok. Vous n'êtes jamais allé plus loin que Québec? Non, c'est la première fois que je viens et on s'est échappé pendant un week-end à Québec, mais sinon on travaille à Montréal là, pour le temps d'aller explorer. C'est dommage parce qu'en fait le fleuve c'est vraiment pas Montréal. Il y a le fleuve mais c'est pas ça le fleuve. C'est beaucoup plus large que ça. Puis habiter le fleuve, ben, c'est déjà le connaître un peu plus. Un peu dans sa configuration, puis dans ce que c'est, les paysages, puis les habitants peut-être un peu moins, parce que je pensais qu'il y a une telle différence, mais parce que quoi qu'il y ait des communautés autochtones. Sont intéressantes au bord du fleuve, là, mais. Moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est parce que je trouvais que ça, jeudi, on a lancé notre campagne de financement sur 5 ans où on essaie d'aller lever des fonds pour construire ce qu'on appelle un camp de base sur le fleuve, sur l'eau. Donc, de construire une maison sur l'eau, finalement. Sur une barge. Sur une barge. Une grosse péniche, là. Ouais. Donc, ce serait notre camp de base. Donc, une énorme barge avec où on va avoir un atelier, on va avoir un centre pour les jeunes. Donc, où les jeunes qui viennent à bord puissent faire une préparation préalable, faire un suivi, donc une espèce d'endroit, de lieu commun, justement, où on peut venir, on peut venir pour. Réseauter pour revoir les gens avec qui on a navigué, pour revoir les gens, l'équipage avec qui on a travaillé, pour revoir les suivis avec. On travaille avec des jeunes en difficulté souvent, donc une espèce de centre pour jeunes, mais sur l'eau. Donc, sur lequel on va pouvoir amarrer le voilier pour le réparer pendant l'hiver aussi, puis il y a une espèce de dynamique qui se crée parce que le port n'est pas si dynamique en fait. Il n'y a pas tellement de vie. Si on compare une soirée dans le port de Montréal ou une soirée, je sais pas, sur le plateau, vous habitez sûrement sur le plateau en tant que Français, non? Non, il n'y a même pas de mille pieds. Ouais, n'importe quoi. Non, c'est vrai. Vous habitez où? On était à Vendôme au départ, et là, on est au-delà de Vendôme, là. Ok. Vous êtes déjà allé au plateau, sur le plateau? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que... Il y avait plein d'autres choses à voir, vous allez comprendre après. On était voir les Français. Ouais, c'est ça, c'est la France. Ah ouais, c'est ça. Déjà, en plus, on préfère rencontrer des Québécois. Si c'est pour être entre Français, ça nous intéresse pas beaucoup. Non, en fait, on a vachement sillonné les rives. On a été voir Verdun, pas mal de. On était beaucoup près du fleuve, en fait. Ouais. Donc, en fait, on. Le plateau, c'est pas au bord du fleuve. À partir de là, Oui, mais c'était à 10 minutes, là. On est beaucoup resté dans le coin de Verdun, un peu au-dessus aussi. Que vous habitez tous ensemble, quoi. Ouais, ouais. On s'est pris un logement. Ok. Vous êtes là pour combien de temps? Jusqu'à demain. Ça fait 3 semaines qu'on est là. C'est pour ça que j'ai dit, venez aujourd'hui, parce que c'est le. Je sais pas, ça va être quand. Non, jamais. Ouais. Mais oui, parce que c'est passé super vite. On avait. Feda qui avait trouvé. Enfin, qui avait découvert le Comaris, on en a parlé tout le temps. René dans le travail et l'équipe, on était 11 là à travailler ensemble. Pour vous contacter. Ouais. Ok. Puis. Non, mais c'est ça, pour ça que je trouvais ça drôle, parce que c'était le lendemain où on a annoncé qu'on allait se lancer dans une construction avec des architectes. On a des architectes qui viennent mardi, mais on voulait travailler avec d'autres, voir en fait c'est quoi les possibilités, c'est quoi la vision justement d'intégrer une construction sur l'eau, dans le fleuve, dans le paysage. Ouais. Fait que là, on attend un peu d'avoir l'endroit où on va être, comme précisément, pour pouvoir construire en fonction de ça. et que du coup vous avez une idée un peu de l'endroit où vous vouliez mettre votre Ouais, un peu, ouais. Et ce serait genre comme une île artificielle, genre vous seriez. C'est pas une île artificielle, c'est vraiment une barge. Terre, vous seriez relé à la terre ou pas? Par une passerelle. Ah, ok. Mais. Comme t'en parlais tout à l'heure, j'avais l'impression un peu de. Quelque chose qui aurait pu être un peu mis. Oui, ça pourrait. Ça pourrait être une île, effectivement. T'as raison. Ça pourrait très bien, ça serait très drôle. Mais c'est pas nécessairement pratique l'hiver. Puis pas nécessairement faisable. En fait, on attend un peu les autorisations du port pour voir où est-ce qu'on peut être. Puis s'inscrire dans leur développement. Ils ont comme un plan de développement sur plusieurs années. Puis moi, je sais pas, ils vont mettre un bâtiment là, un salassinement là. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font. Mais c'est donc, quand même sur Montréal. Oui, c'est, ça serait moi l'endroit que j'ai demandé parce qu'ils m'ont dit mais où tu voudrais être. J'ai dit, ben, si c'est Noël puis j'ai le droit de choisir ce que je veux, mais je voudrais être entre le quai Alexandra et le Bota Bota. Ok. Oui, c'est où un peu ouais. C'est ouais, la ouais, section qu'on appelle T1 là, dans le port. Ouais, c'est tout au fond quasiment. C'est où est-ce du canal là? Ouais. Le Bota Bota, c'est le spa noir. Ouais, mais, c'est ça. Ouais. C'est fait avec donc le Bota. Transverse qui traverse vite. Ouais. Ouais. Okay. Donc, ce serait là. Quelque part entre le quai des, le nouveau quai des quais des croisières puis le Bota Bota. N'importe où là. Moi, je sais pas ce que vous avez à faire là, mais si nous mettons en plein milieu avec une passerelle ou un. Je sais pas, oui, pourquoi pas. Mais le but, c'est qu'on ait un endroit pour s'amarrer au lieu d'être pris dans Marina ici. Ouais. De pouvoir arriver puis avoir un atelier où on peut sortir de nos choses, avoir notre stock à côté. Puis, voilà. Donc ça, c'est en développement, ouais. Ouais. C'est comme une phase de développement pour Ecomaris. Donc, comment ça fonctionne du coup, Ecomaris, c'est une association? Ouais, c'est un truc à but non lucratif. Au Québec, il n'y a pas vraiment des associations comme vous en France. C'est pas... ici, ça s'appelle un organisme à but non lucratif. Organisme de bienfaisance aux yeux de Revenu Canada, c'est-à-dire qu'on peut émettre des reçus de charité pour des dons qui nous sont faits. Donc ça, c'est une partie... En fait, ça va être financé... ça va être financé comme ça, beaucoup. Pardon, on met pas de... Nous, on génère assez de revenus pour payer nos frais d'opération, mais on génère pas de bénéfices, donc on peut pas... On n'a pas d'argent à réinvestir, tant des mini-choses des fois, mais c'est plus pour l'entretien et l'amélioration du voilier, c'est pas... ou pour des bonus, là, c'est éventuellement... pour des bonus. À chaque année, on attend les bonus. Et voilà, fait que c'est quoi votre question? La question, qu'est-ce que... Et pour ce... financer, c'est parce que vous accueillez du monde à bord. Mm-hmm. Du coup, ça fait un autofinancement. Ouais, moi aussi, on est autofinancement. Vous partez plutôt. Qu'est-ce qui se passe à bord? C'est quoi que vous accueillez en... Des animaux. Des jeunes qui ont des. Qui sont en questionnement, qui sont en réorientation de carrière ou en formation ou qui sont perdus ou qui ont des problèmes de toxicomanie ou de problèmes légaux, problèmes personnels de tout ordre là. Et donc la réinsertion sociale en fait, pour toutes sortes de raisons. Ouais. Donc c'est de les faire sortir un peu de leur quotidien pour leur apprendre d'autres choses. Idéalement, on aimerait ça pouvoir on a comme une entente avec le gouvernement pour les réorienter vers les métiers maritimes. Là, on vient de changer de gouvernement, je ne suis pas sûr que ça va rester comme truc, parce que ça ne semble pas être une priorité maintenant. Mais ça l'était pour les 4 dernières années, donc de faire la promotion des métiers de la mer, puis de les amener à choisir ces carrières-là. Donc, c'est des boulots qui sont payants, puis il manque de main-d'œuvre, donc il y a même des gens qui vont venir de Russie ou d'Afrique ou n'importe où pour venir combler les postes ici, alors que c'est des carrières qui sont super intéressantes pour des gens du fleuve. Mais ça démontre un peu, si vous pouvez parler de la conscience du fleuve, il n'y en a pas tellement parce que justement, ils ne savent même pas que ces métiers-là existent. Avant, tu disais le fleuve d'avant, ben avant, il y avait. C'est comme ça, je mets juste comme là, comme stéréo dans mes oreilles, je l'aime bien. Je suis douillet du tympan. Dans le domaine de l'éducation, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant qu'il y a autant de débouchés dans le milieu maritime, qu'il y a autant de développement. C'est un petit peu ça aussi l'idée, c'est d'amener tous ces gens-là à en faire la promotion. Ouais. Même les gens qui travaillent chez Emploi Québec, donc qui sont ceux qui vont financer les formations, ils ne savent même pas que les programmes existent. Donc c'est vraiment pour dire comment ils n'ont aucune idée. Puis quand tu viens d'Abitibi, qui est à 1000 km par là, le fleuve, aucune idée. Tu sais, vous êtes plus proche du fleuve à la limite que le gars d'Abitibi. Donc le fleuve, il a déjà été au centre de l'économie. C'est pour ça que toutes les villes sont sur le bord du fleuve, mais maintenant ça n'a plus nécessairement de. C'est plus tellement. Non. Les entreprises à Montréal sont de techno, sont de finance, sont de plein d'affaires, mais c'est pas direct, c'est pas uniquement lié au fleuve. Il y a un gros commerce qui est fait avec le fleuve. Là. Tout passe par le fleuve. Pour toutes les entrées, toutes les marchandises qu'on reçoit arrivent par bateau, arrivent pas par avion. Donc, il y a un gros commerce qui est fait. Je ne vais pas dire de niaiserie, mais c'est le deuxième ou le troisième port en importance en Amérique du Nord, après New York. Donc c'est quand même gros, il y a beaucoup de trafic qui est fait. Mais le fleuve à Baie-Comeau, ou à Sept-Îles, ou à Rimouski, puis Montréal, ça n'a pas grand-chose à voir. Là. Ouais. Mais il ne s'en occupe pas plus, je veux dire, il n'est pas plus important. Bon, à part pour les régions comme Gaspésie, où il y a des pêcheurs, le Côte-Nord aussi, à part la pêche, les gens ne vont pas tellement dehors, ils ne sortent pas tellement, donc le fleuve n'est pas... C'est clairement une question d'aménagement aussi, parce qu'on voit que dans les villes où il y a un meilleur aménagement, ça veut dire un meilleur accès au fleuve, c'est déjà, il y a plus de sensibilisation. T'sais, Québec, il y a plus d'accès au fleuve que Montréal, il n'y a pas d'accès au fleuve. À part le Vieux-Port, il n'y a pratiquement aucun accès. C'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment une grosse différence. Ça vous touche peut-être plus, justement, spécifiquement. T'sais, mais justement, plus on va en parler, plus ces choses-là vont être réintégrées, réaménagées. Et ça devient difficile parce que Montréal, comme Simon dit, c'est un des plus gros ports. Mais vu que c'est beaucoup port international, il y a comme aussi au niveau, comment je pourrais dire ça, on ne peut pas laisser tout le monde avoir accès à un port international, parce qu'un port international, c'est comme une douane. Donc, il y a comme, à ce moment-là, il y a automatiquement un contrôle qui se fait, donc moins d'accès au port. On l'a vu, on a essayé de remonter justement depuis ici à peu près. Jusqu'à l'île Charon, on est allé, donc en Bixi, après à pied, la station de Bixi, à essayer de rentrer d'une manière ou d'une autre, parce qu'on avait vu cette rue qui est à l'intérieur du port là. En fait, c'est marqué, il y a des cartes, etc. C'est marqué, c'est interdit, il faut avoir un badge, C'est comme des douanes. Exclusif au monde des affaires internationales. Oui, c'est ça. Pendant des dizaines de kilomètres, je ne sais pas combien ça va par là. Ça va vraiment loin. C'est comme 15 kilomètres peut-être. Jusqu'à Boucherville. Ouais. Puis même plus loin parce qu'il y a encore d'autres parts, sauf que c'est entrecoupé après. En fait, toute l'île de Montréal est pratiquement bloquée, tu sais. À Pointe-aux-Trembles, t'arrives, t'as une petite promenade, là, puis that's it, là, mais sinon l'accès est complètement bousillé. Puis pourtant, c'est beau quand même, parce que comme nous, on part de Montréal, on navigue déjà sur le fleuve à Montréal. Les gens, monsieur, madame, tout le monde n'ont pas accès à ça, mais déjà, quand on décolle d'ici, c'est beau. On passe par les îles de Boucherville, on passe par Sorel, les îles de Sorel. C'est beau tout de suite en partant. Hein. Un peu plus pollué, c'est sûr, mais bon. Et vous en êtes venu comment à faire partie de l'équipage des Comarés? Comment ça s'est passé? Vous étiez là dès l'origine? Oui. Ouais, c'est moi qui ai fondé Comarés en 2006. Et c'était un peu dans la même idée de mettre le fleuve de... Moi, je naviguais sur le fleuve, puis je comprenais pas comment ça se fait qu'il y avait personne qui était là. Puis qu'il y avait si peu de bateaux. Sur un si grand plan d'eau. Et il y a moins de monde au Québec, là, mais la culture maritime a sacré le camp, en fait. À un certain moment dans l'histoire, on ne sait pas trop où. Là, Probablement lorsque. Avant, il y avait beaucoup de commerce à voile. Quand le commerce à voile a disparu, il y a eu moins de boulot, je pense aussi moins de construction, les chantiers ont fermé, les équipages se sont réduits. Je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Là, mais... Il n'y a jamais eu de plaisance, du coup. Sans le fait de dire vraiment faire de la voile pour le plaisir, en fait. Plus ou moins. Pas plus que maintenant. Non, je pense qu'il y en a plus maintenant qu'il y en avait avant. Oui, la plaisance, mais... oui, il y en a plus qu'avant, mais quand même. Ça a commencé comment? Pour toi, c'était c'est pour quel usage? C'était vraiment par plaisir? Moi, au début, j'étais instructeur de voile, donc je donnais des cours à Rimouski et à Gaspé. Puis, moi, je trouvais que c'était dommage de pas... Parce que des écoles, des voiliers-écoles, il y en a partout dans le monde. Il y en a en France, il y en a... au Danemark, il y en a au Brésil, en Pologne, il y en a partout. Mais il n'y en avait pas au Québec. Je commence à dire qu'on n'a pas de voilier-école alors qu'on est on a un super plan d'eau, il y a du monde, il y a déjà une culture maritime, on a un grand port. Je voyais pas la raison vraiment, en fait. Et puis, donc c'était de réutiliser la ressource d'eau, le plan d'eau magnifique, tout cet environnement-là qui est un peu hostile quand même, il faut le dire, là, c'est quand même froid. C'est complexe à naviguer, il y a des marées, il n'y a pas beaucoup d'abris, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de ports. Donc, c'est quand même pas un plan d'eau facile, mais c'est un plan d'eau superbe, donc, qui est très formateur aussi. Donc, l'idée, c'était de... tu s'en vas? Juste de peindre. Tiens, je te laisse. Allez, bye. Bonne... Bonne chance avec tes projets familiaux. Merci. Allez, merci. Je vais aller vous. On s'en parle comme d'habitude. Merci beaucoup. Salut. On a prochain. Donc, oui, donc de pouvoir redonner. Parce que moi, ça m'a toujours énervé. Il disait, ah oui, il faut redonner le fleuve au monde. Redonner le fleuve. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire quoi, redonner le fleuve? Tu fais quoi? C'est comme un slogan politique. Mais redonner le fleuve, tu redonnes le fleuve. On l'a pas perdu, pas besoin de le redonner, mais il faut que quelqu'un fasse quelque chose avec. Fait que tu le découvres en naviguant. Je sais pas comment dire, que ce soit en kayak, en chaloupe, en planche à voile, à la pêche, n'importe comment, mais pas en restant chez vous, tu sais. Donc, mais en même temps, moi, ça fait bien mon affaire qu'il y ait moins de monde que quand tu vas naviguer en manche, il y a des cargos partout, tu penses que de te faire frapper 50 fois dans la nuit, donc c'est pas nécessairement mieux. Mais ici, c'est un peu dommage que ce soit peu connu, peu utilisé. Il y aurait peut-être une façon de le... Enfin, c'est pas une obligation de le publiciser ou de le, qu'il soit bien connu, mais c'est comme un endroit sauvage quand même. Il n'y a plus beaucoup d'endroits sauvages comme ça, finalement. Là, c'est plus tu t'en vas vers la côte. Non, jamais, il n'y avait pas un chat, là. Donc, l'idée des Comaristes, c'était de se servir de cet environnement-là pour faire de la formation des jeunes. Donc, pour former le caractère, pour former les développer des capacités de travail en équipe, de communication, de persévérance, de prendre un temps pour sortir un peu de leur routine, de leurs difficultés, rencontrer des nouvelles personnes, reconstruire, puis prendre des décisions pour savoir ce qu'ils veulent faire avec leur vie. Fait que finalement, c'est un temps. On leur offre un temps sur l'eau, en équipe, pour sortir de ce qu'ils connaissent. Et c'est quoi comme laps de temps? C'est variable ou... C'est une journée à deux semaines et demie, selon les programmes. Fait qu'il y a des initiations pour certains, il y a des fins de semaine pour d'autres, des fois c'est d'une semaine, il y en a des fois c'est dans le cadre d'un cours de cégep, des fois c'est dans le cadre d'un cours d'université, des fois c'est juste vacances, puis des fois c'est dans le cadre d'un but de réinsertion en emploi. Donc, le bateau puis le fleuve, c'est juste un moyen. Après ça, on peut l'appliquer à d'autres choses. C'est un cadre. Ouais. C'est un cadre qui est quand même assez efficace quand on veut travailler la confiance en soi, le sens de l'autre, le travail en équipe. Le bateau est un cadre en tant que tel, puis le fleuve aussi. Ça fait son effet quand même. Le fleuve est quand même grandiose, fait que passer plusieurs jours comme ça, quand tu es comme souvent, bon, ça dépend encore des programmes, mais souvent dans certains programmes, il y a des jeunes qui viennent de milieux où ils ne sont pas sortis beaucoup de leur petit milieu. Là. Fait que les prendre comme ça, puis les amener assez loin sur le fleuve, bien, c'est c'est impressionnant pour eux. Là. Fait que ça agit tout de suite sur, au niveau mental, puis ça leur montre qu'il y a quelque chose de quand même plus grand que ce qu'ils peuvent vivre, disons, comme problème. Ou, ça relativise énormément. Du coup, c'est le départ de Montréal et après, c'est... Non. On n'a qu'un départ de Montréal en début de saison. Puis après, on descend, puis on revient, on remonte jamais à Montréal parce que c'est pas. C'est moins pratique. Il y a plus de monde, mais c'est long de naviguer sur le fleuve. Donc, pour avoir le temps aussi, on est mieux de partir minimalement de Québec, idéalement de Rimouski, où là, tu peux naviguer vraiment, puis t'as la paix, t'es pas poignant, t'es cargo, t'as de l'espace, t'as plus de mouillage, t'as plus d'endroits. C'est quand même un grand voilier, ça fait que c'est sûr que si on veut, moi, la moindrement naviguer à voile, à partir de Québec, ça va beaucoup mieux que vers le bas du fleuve, je veux dire, à partir de Québec vers en bas, ça va beaucoup mieux que de Montréal, Québec, il n'y a aucune navigation à voile à faire là pour nous, on peut, mais... Il y a trop de courant, c'est pas assez... Beaucoup de courant, beaucoup de trafic surtout, puis tu sais, il y a quand même... Il n'y a pas beaucoup de trafic comme il peut y en avoir ailleurs dans le monde, tu sais, mais il y en a assez pour que ça devienne difficile pour un grand bateau à voile comme ça. C'est pas large. C'est ça, c'est pas, les chenaux sont pas assez larges. On peut pas déranger les cargos, ils sont prioritaires. Dans le... Est-ce que du coup, vous devez naviguer sur la nouvelle voie maritime aussi en même temps que les cargos? Les cargos, ils sont sur la voie maritime, là? Oui, pourquoi tu dis la nouvelle voie maritime? Oui, non, parce qu'on regarde depuis les années 50, là. C'est parce qu'on s'est plongé dans l'histoire, et du coup, c'est relativement récent. Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là, oui. Si tu te replonges dans l'histoire, oui, la nouvelle voie maritime, c'est les écluses de Saint-Lambert, puis qui est anciennement le canal de la Chine. Quand ils ont enlevé tous les cailloux du rapide de la Chine, ben là, ils ont bâti l'île. Pas l'île Sainte-Hélène, mais l'autre à côté, avec ces cailloux-là. Puis là, ils ont fait l'écluse de Saint-Lambert. Notre-Dame? Mm-hmm. Oui. Ouais, ben, je sais pas si c'est l'île Notre-Dame ou l'autre à côté, là. Ben, il y en a une des deux qui a été bâtie avec ce qu'ils ont enlevé. Des cailloux des rapides. C'était des immenses rapides, là. C'était énorme. Ils ont enlevé des cailloux des rapides. Et... Oui. Ouais. Ben, là où ils ont fait creuser le canal, je pense. OK. Et du coup, en dimension, là, les marées, c'est quoi? 80... 19 mètres de coque, 19 point quelques mètres. 19,90 de pont. Ouais, c'est de coque, c'est ça. Puis ensuite, c'est 22 point quelques mètres hors tout. Ouais. Et en tirant d'eau? En tirant d'eau, c'est 1,5 mètres. OK. Il n'y a pas de tirant d'eau, c'est un voilier à fond plat. OK. Mm-hmm. Un voilier qui est fait pour s'échouer volontairement. Ah ouais. C'est quoi? Du coup, c'est construction de Hambourg? Ouais. C'est une construction de Hambourg, en acier, à Bouchain. C'était c'était un chantier qui faisait partie aussi d'un programme maritime allemand pour les métiers de la mer. C'est une école qui regroupait les différents métiers. Donc, autant des ingénieurs que des architectes, que des ébénistes, que des mécaniciens, etc. Ça, c'était un projet d'école, en fait. C'est une cohorte qui a... qui avait le projet de leur cohorte, c'était de construire ce bateau. D'un bout à l'autre, au dessin jusqu'à... Ouais, jusqu'à la finition de cette belle table que certains veulent détruire, on ne les aimera pas. Et on... Découper un tout petit peu. Ouais. Donc, ils avaient construit 13 voiliers. Ça, c'est le 13e. Puis, le programme a fermé. Il y a eu un changement de gouvernement. Le programme a cessé. Le chantier qui était partenaire avec l'école dans la construction se retrouvait avec le bateau ses bras. Il ne savait pas quoi faire avec. Il voulait le vendre, ça ne marchait pas. Donc, ils ont failli le vendre en pièces détachées. Puis, il y a quelqu'un qui a dit, ben, si c'est pour le vendre en pièces détachées, je vais l'acheter, pas cher. Il l'a racheté. Il a essayé de l'opérer comme on fait, puis il n'est pas arrivé parce que c'est... Il était tout seul avec sa femme, puis c'était trop... C'était trop de boulot. Pour le, parce qu'il n'était pas fini le... Il était fini. Oui, il était fini. Et pour naviguer, là, c'était trop... Pour naviguer, ça se faisait, mais à Hambourg, c'est pas vraiment compliqué. C'est plus qu'il voulait faire une école. Tu peux pas faire une école à deux. T'sais. Ça prend une structure, ça prend des partenaires, des gens qui travaillent. Lui, il y avait des winches électriques aussi à l'époque. Là, qui ont lâché il n'y a pas si longtemps, là, mais ils fonctionnaient beaucoup avec ces winches-là. Nous, on fonctionne tout au palan. Comme... Ouais. Question sûre. Je commande-tu un chèque? Oui. Oui, ben même un chèque, ça va. Moi, j'en commande deux de celui-là. Ouais. C'est pour le grand mort. Ouais, mais. Dans transatlantique, c'est oui, oui, oui. Il était à 6 semaines. Ah, ouais. Ouais. Par l'Écosse, par l'Écosse, Islande. Terre-Neuve. Okay. Recommandé. On est arrivé. On est parti au mois de mai. On est arrivé en mois de juillet, 5 juillet. Non, ben en fait, moi, j'ai commencé, j'avais pas l'argent pour commencer. Puis j'étais tout seul de mon équipe, donc j'avais pas de sous, j'avais pas de plan d'affaires vraiment. Et les gens à qui je m'adressais, ils disaient « Oui, mais comment ça va faire de l'argent? » Mais je ne sais pas, c'est pas ça le but, c'est de... Pour mes jeunes, c'est de l'éducation, comment on fait de l'argent de l'éducation, je sais pas. Fait qu'on se dit « Ben là, trouve une façon, parce que ça ne marchera pas. » Donc, j'ai eu une subvention pour développer un plan d'affaires, puis là, je suis allé au Brésil. C'est le bout, le maillon de l'histoire qui ne marche pas, je ne sais pas pourquoi je suis allé au Brésil, mais je suis allé au Brésil. Et puis là, j'ai vu trouver des bateaux. Sur le fleuve Amazon, puis que j'ai commencé à louer, puis j'ai organisé des expéditions en Amazonie pour des écoles du Québec, là-bas. Pour tester un peu le concept d'avoir une école environnementale sur un bateau, donc de servir de l'environnement local pour acquérir des connaissances, puis travailler, la même chose qu'on fait ici, en fait, le développement plus personnel, social. Et puis ça a fonctionné pendant 6 ans. Et donc là, j'ai pu faire la démonstration que si on est capable de le faire au Brésil, on est capable de le faire au Québec. Il n'y a pas de raison, c'est juste une question de sous. Donc, là, fait que j'ai développé le plan d'affaires en parallèle. Puis ça a été. On a réussi à trouver le financement. Ça a pris du temps, ça a pris 6 ans à trouver le financement. Donc. Voilà, moi non, merci. Et donc, le projet. Donc là, vous avez le bateau qui est en hydrogène, et donc ce nouveau projet, d'abord une base. Merci. Là, c'est vraiment juste l'idée, c'est la. Comme vous dites, ouais. Vraiment... ouais, c'est de la philanthropie pure. Là. C'est vraiment donnez-nous de l'argent parce qu'on est bon et vous nous aimez. Là. Et les architectes, là, qui vont rencontrer le mardi, c'est des. Ouais. Ouais. Non, pas tellement, mais parce qu'il n'y en a pas vraiment des gens qui sont habitués à travailler sur l'eau. Il y a des architectes navals, mais c'est pas un projet d'architecture navale, tant. Un peu, au niveau de la stabilité, puis s'assurer que les coques sont saines et tout ça, mais mis à part ça, il n'y a pas de... Un peu la gestion de l'eau, puis des déchets, mais c'est pas de l'architecture navale à proprement parler. Donc, j'ai approché 3 cabinets d'architectes. Les 3 semblent intéressés, mais ensuite, ça va dépendre un peu. Je sais pas comment ça marche en France, mais je m'y connais pas. C'est la première fois que je fais affaire avec des architectes. Là. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça drôle que vous. C'est comme le jeudi, le vendredi. Vous m'envoyez un courrier le vendredi. Le lendemain, je suis passé quelque chose hier soir, j'étais trop sous. Je m'en suis pas rendu compte. Mais non, c'est un hasard. Et puis. Ben, je sais pas. J'attends de voir parce qu'en fait, il paraît qu'on n'a pas. On peut pas faire. On peut pas mettre les gens en compétition dans les appels d'offres. Je sais pas trop, comme des règles de cabinet d'architecte. Je sais pas trop comment ça marche. Là. Mais moi, en même temps, j'ai pas d'argent pour faire 3 projets par 3 cabinets. Là, c'est. Je suis pas sûr, en fait. Je vais voir avec eux mardi. Ça, c'est les premiers que je rencontre. Je leur ai parlé. On s'est rencontrés un peu, mais on a parlé comme ça, de façon informelle. Là, ils viennent avec leur équipe, puis on va parler plus en profondeur. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Mais, Et vous avez voilà. Déjà établi un peu un programme de ce que vous souhaitez, des surfaces? Ouais. Des surfaces, non, parce que... Non, je sais pas combien... Dans ma tête, il y a 2-3 étages. Puis, avec un premier étage où il y a un atelier. Pour moi, l'atelier, c'est 1000 pieds carrés, en mètres carrés, je sais pas. 1000 pieds carrés minimum. Ben, pas minimum, mais 1000 pieds carrés, ça serait bien. Un gros minimum de 500 pieds carrés. Avec des bits de démarrage sur le côté pour pouvoir transborder des choses. J'aimerais ça qu'il y ait une petite section jardin à la hauteur de l'eau. puis vraiment utiliser la lumière, puis essayer d'avoir un truc le plus solaire possible, et avec un espace bureau, un petit laboratoire de avec microscope et tout ça pour utiliser le plancton, entre autres. Et puis un espace commun où on va pouvoir faire la formation, des conférences, des préparations de groupe, et aussi des spectacles. Parce qu'on voudrait avoir une espèce de salle d'exposition, spectacle, qui permettrait de générer des revenus pour s'autofinancer. Donc, voilà, des événements, lancements, concerts. Fait que les jeux du vendredi, samedi, c'est pour rentabiliser, puis le restant, c'est vraiment nos bureaux puis notre lieu de travail. Et du coup, c'est sur une barre qui existe déjà, ou c'est un peu dans... Non, ce qu'on appelle une barge ici, c'est des barges de transport. En fait, c'est comme des espèces de gros... C'est comme des énormes quais flottants, en fait. C'est ça. C'est comme des gros quais flottants complètement fermés. Sur lesquels, souvent, les remorqueurs vont transporter du matériel. Des grues, tu sais, tu peux avoir des barges ultra solides. Ça permet d'embarquer énormément de poids, puis en restant toujours stable. Donc, c'est ça que, dans le fond, l'idée de construire sur une barge. Et là, FedNav, bon, l'entreprise qui sont partenaires avec nous, qui sont commanditaires, eux vont peut-être nous fournir les barges. Okay. Donc, ils attendent les dimensions. Justement, ils m'ont posé la même question. Je lui ai dit, c'est quoi ta dimension? Tu me diras, je vais regarder comment qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout ça. Okay. Fait qu'ils vont avoir une partie en financement, une partie en don aussi, peut-être. Se faire donner des barges ou devoir payer, ou se faire donner 120 $ pour acheter des barges, c'est un peu la même affaire. Donc, voilà, mais c'est un travail vraiment en développement. Puis, c'est une salle de spectacle, moi, je sais pas. Moi, je voudrais une salle de spectacle qui contient à peu près 300 personnes. Donc, une petite salle de spectacle, mais avec un... C'est pas mal, c'est quand même... C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Parce que si tu fais plus petit, là, c'est vraiment une mini-salle, puis là, c'est plus rentable. Donc, 300, de 250 à 300, c'est une salle qui est rentable. C'est grand, quoi. Quand on respecte les... Ben oui. Ici, je connais pas, mais nous, les équipements qui reçoivent du public, ils ont des normes. Ouais. Surface, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que la surface, je la connais pas, parce que moi, ce que je sais, c'est qu'on a besoin de rentrer 300 personnes. Okay. Après, c'est-tu 1000 pieds, c'est-tu 2000, c'est-tu 5000. Après, ça dépend quel type de spectacle tu veux recevoir. Et du coup, je pense que ça dépendra. Si c'est des circassiens, c'est pas possible, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de hauteur. Si c'est des musiciens, est-ce que c'est en acoustique, en amplifié? Est-ce qu'il y a de la vidéo ou pas? Du coup, il faut mettre un espace pour le projecteur. Ouais. La technique, comment elle rentre. Ouais. Il peut, moi dans mon esprit, il y avait la partie technique, son, etc., ça, j'y connais strictement rien. Mais je le voyais avec deux étages, avec une espèce de mezzanine qui pouvait faire un tour aussi. Parce qu'on travaille un peu avec le Cirque du Soleil aussi dans la formation. Un de nos formateurs travaille avec le Cirque du Soleil, donc des fois on amène nos groupes de jeunes là-bas pour travailler avec eux, puis on espère pouvoir faire peut-être plus de choses avec le Cirque. Donc oui, s'il pouvait avoir de la hauteur, ce serait. Mais je pense qu'il pourrait. C'est pour ça que ça dépend du lieu. Parce que le quai Alexandra, c'est très haut. C'est très, très haut. Donc, que la partie atelier soit face à un mur de béton, c'est pas très grave. Mais qu'il y ait une partie, faut qu'il y ait une partie qui dépasse. Faut qu'il y ait une partie. Donc, c'est pour ça que là, au niveau de la hauteur, je. Pour décoller du quai. Oui, je sais pas combien ça prend. Donc, mais ça dépend. On va pas faire un plan basé sur un lieu qu'on n'aura même pas au final. Fait qu'il faut avoir la confirmation. Fait que la prochaine étape, c'est vraiment d'avoir la confirmation du lieu. Ouais. Puis après, on va pouvoir commencer à parler pour vrai avec des plans. Puis avec les plans, là, il y a plusieurs donateurs qui sont intéressés par le projet. Mais, disons, trois peut-être principaux. Puis avec eux, on va pouvoir lever la balance s'il y a besoin. Et du coup, c'est plutôt un modèle financier basé sur le mécénat, le gouvernement. Non, on va essayer, mais j'y crois pas, je mettrai pas d'énergie. Sur l'axe sensibilisation auprès des publics de jeunes en réinsertion, ils se positionnent pas. Ben, c'est un nouveau gouvernement, vous étiez là lors des nouvelles élections. Le lendemain. Bon, c'est ça. Donc, moi, je suis un peu découragé, donc je sais pas. Déjà que c'était difficile avec le gouvernement précédent. Puis là, je crois que c'est pire, donc j'y crois plus ou moins. L'énergie que ça requiert pour arriver à quelque chose, si je mets la même énergie sur approcher des fondations, ça va être 4 fois plus efficace. Donc, s'ils viennent, ils vont venir parce qu'ils ont le goût de venir. Ils vont entendre parler du projet, puis ils vont dire, ils vont me dire, OK, remplis telle affaire, puis on veut ça. Mais moi, je ne vais pas leur courir après, j'en ai ras le cul. Là. Ils m'énervent dans leur façon, puis c'est inefficace, c'est une perte de temps. Ils n'ont pas de vision, il n'y a pas de. C'est compliqué, il faut tout leur expliquer, ils ne comprennent rien. Ça. C'est désagréable. Vous êtes pédagogue avec eux. Ouais, ouais, ouais. Ça va. J'ai donné, là. J'ai fait de ma part. Ouais. OK. Et du coup, ce déjeuner des communs, là, c'était. Enfin, comment ça s'est passé? Qui est-ce qui vous approchait? Est-ce que c'est votre initiative? Il y avait les gens de Communautique. Il y avait Monique de Communautique qui était là. Il y avait Sylvie Van Brabant de la production Rapide Blanc. Je ne sais pas l'initiative de qui, en fait. On s'était rencontrés, on a eu des discussions, une place. Puis moi, j'avais dit, ah, mais vous pourriez venir sur le bateau, on pourrait faire ça. Là. Puis je pense que chacun de notre côté, il y a comme un désir d'association, de quelque sorte. Mais c'est comme si les associations au Québec étaient difficiles à faire parce que tant que ça ne se matérialise pas dans quelque chose, c'est dire on est partenaire, oui, mais partenaire de quoi? Partenaire quand tu fais quelque chose ensemble. Sinon, c'est pas des vrais. Tu sais, des partenariats de bullshit, moi, ça m'intéresse pas. Puis on dirait qu'il y avait. Puis c'est pas que. Puis je pense que tous ceux qui étaient là avaient vraiment des bonnes intentions. Mais quand on n'a pas les moyens de matérialiser des choses, de concret, ça meurt tout seul. Tu sais, ça dure pas. Donc. C'est très métaphorique presque. Là. Les lieux communs au Québec, c'est quoi? Les biens communs, les communs, c'est quand on voit le gouvernement qu'on a élu, on se rend compte que on n'est vraiment pas au niveau de philosophie comme ça. C'est vraiment plus au ras des pâquerettes notre affaire. Là. C'est très de base. Là. C'est comme si on n'avait plus le luxe de réfléchir. Donc, là, pour moi, là, il en manque un peu, mais c'est ça, il n'y a comme pas l'espace. Puis tout le monde est pris, après ça, dans ses obligations pour faire fonctionner ses organismes, ses choses, ses projets. Fait que tout le monde travaille un peu en vase clos, finalement, en regardant l'autre un peu du coin de l'œil, puis en disant « Ah oui, c'est cool ce que vous faites, c'est beau, lâchez pas. » Mais même si on voulait travailler ensemble, il n'y a pas nécessairement... Comment dire? C'est dur de rattacher les choses, parce que c'est déjà dur de réussir. C'est sûr que c'est dur de réussir quelque chose tout seul. Puis on pourrait se dire que ça va être plus facile en équipe, mais non. Parce que pour tout est toujours question de financement, ultimement. Puis ceux qui financent, ben il y en a peu. Il y a peu de financement pour ce genre de choses. Si on veut construire nos routes, puis financer les hôpitaux, c'est principalement ça qui se passe au Québec. Pour tout le reste, faut se battre pour avoir... tu sais, il y a un os pour 12 chiens affamés. Fait que il reste pas grand-chose, là. Donc, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas tant de place pour la discussion, malheureusement. Fait que. Mais c'est quoi l'idée que vous en aviez? C'est quoi. Qu'est-ce que vous avez accroché sur. Sur la question des ouais. communs? Ouais. Tu m'as activé. Je vais répondre, mais en gros, on s'est interrogé en fait sur le statut de l'eau, notamment, sur le fait que. Il y a une juridiction. Sur le foncier, sur la terre, il y a une juridiction sur l'eau, qui ne sont pas du tout pareilles. Ouais. Et que notamment, on peut trouver sur l'eau des notions de non-accaparement, non-fondation, on ne peut pas s'approprier l'eau, on ne peut pas l'empêcher de couler, on ne peut pas tout ce genre de choses. Mm-hmm. Et ce qui nous intéressait, c'était, comme piste un peu, c'était de réinterroger notre rapport à la terre, en fait. Pourquoi la terre, on peut se la partager, se la découper en petits morceaux, se la donner, s'accaparer, mm-hmm. dire ça c'est à moi, et si tu veux venir, tu es obligé de payer, ou ce genre de choses. Des questionnements au niveau de la propriété. Voilà, au niveau de la propriété. Et en même temps, notre réflexion, elle est plus large sur dire, en tout cas en France, on voit qu'au Québec, c'est un peu pareil, mais il y a les biens publics, les biens privés, mais en fait, d'aller un peu au-delà, et de réfléchir à la notion comment on retrouve effectivement du commun, des choses où on se dit il faut en prendre soin, ça appartient à tout le monde et tout le monde doit faire attention à ça. Et que c'est pas aussi simple que privé-public, que des fois ça peut y avoir des biens publics qui en fait ne sont pas du tout communs parce que parce qu'on a décidé par exemple que le port c'est le développement économique de tous, mais en fait c'est que le port qui garde, donc eux ils privatisent ils un attaquent quand même 15 km de berge. Comme quelqu'un de privé qui pourrait ouvrir son terrain à des choses, quoi. Et dans cette dynamique-là, on réfléchit à se dire comment ces thématiques, par exemple, des communs qui se fait beaucoup aussi dans le savoir, les copyrights, les copylefts, ce genre de choses, me dire aussi comment on arriverait peut-être à mieux se prendre soin du monde et de notre environnement, de nos villes, et trouver de la connexion, notamment à la nature. Prendre soin en fait, parce que c'est ça, c'est en fait qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de connexion à la nature, on n'en prend pas soin, on n'est pas sensibilisé, et en fait on va tous dans le mur un peu. On a des approches assez larges. Comme on disait tantôt, si on n'a pas accès, on ne peut pas connaître, si on ne connaît pas, on ne peut pas aimer, on ne peut pas protéger. Et que du coup, c'est de chercher des petites choses, de s'interroger à des initiatives d'abord, la vôtre. On a rencontré aussi, on est allé voir le bâtiment 7. C'est aussi des initiatives qui a lieu en Europe. On fréquente un peu ces deux-là et on réfléchit à dire, et puis là, le projet de barge, que vous venez de dire, il est fantastique et il correspond vraiment à ça, de dire, à un moment donné, comment on a un lieu aussi qui mélange les choses, où il y a de la culture, où il y a de l'apprentissage, de l'éducation, où il y a des gens qui travaillent, et puis d'autres choses aussi. Voilà. Je vous écoute parler, il faudrait que vous voyiez le film de Martin Frigon. Avez-vous déjà entendu parler? Non. Je me souviens pas c'est quoi. Il a été fait en français, mais il a été une commande en anglais. Je me souviens juste du titre en anglais. C'est Montreal Held Hostage. C'est le développement économique de Montréal. Comment tout s'est privatisé? Comment les terres, justement, la propriété privée, comment c'est, les grands propriétaires fonciers... comment ça se construit, comment ils sont allés chercher les ressources depuis les arrivées des premiers Français ici jusqu'à maintenant. C'est comment toute la gamme, comment tout s'est privatisé de façon un peu pernicieuse puis cachée. Puis ça serait... Il faut que vous le voyez, en fait. Pas le choix. Martin Frigon. Frigon. Ouais. Parce que pour en plus rentrer un peu plus dans notre méthode de travail, après 3 semaines à Montréal, à rencontrer beaucoup de monde, à s'imprégner du territoire, qui nous, et c'est très intéressant parce que vraiment ça nous met dans une situation d'étrangeté par rapport au territoire qu'on connaît en France, mais aussi près du fleuve et tout, de voir ici comment les gens vivent. On a décidé de faire un exercice un petit peu de penser à dire aujourd'hui, si on arrête et qu'on imagine le futur, rêver et le futur cauchemar, vers quoi on va, capable un peu de faire ressortir ces choses-là pour ensuite, nous en tant qu'architectes, c'est un peu ça, de faire des propositions concrètes, essayer de un peu parler, de dire peut-être qu'il faut vraiment réfléchir sur nouvelles manières d'aménager la ville, les rives, mais pas seulement, enfin que ce soit spatial, mais que ce soit aussi peut-être que... Avez-vous été mis en contact avec les comités ZIP du Québec? Comité ZIP, c'est les comités de qu'on appelle les zones d'intervention protégées. Prioritaire. Puis, hein? C'est pas des zones d'intervention prioritaire? Prioritaire, oui. Prioritaire. T'as raison. Zone d'intervention prioritaire, mais en rapport, puis c'est souvent des comités de. Les comités de gestion sont des comités de citoyens. Là. C'est pas. C'est plusieurs intervenants qui font partie de ces comités-là. C'est local. Donc il y en a partout. C'est régional. Régional. Donc il y en a partout au Québec. Puis ça, c'est intéressant parce que ils gèrent des projets riverains. Ils aident en tout cas beaucoup au niveau de tout ce qui est développement riverain. Donc dans les quartiers? Dans les régions. Partout dans les régions du Québec, il y a un comité. Quand tu dis riverain, c'est quoi pour toi? Riverain, ça veut dire c'est côtier. C'est tout ce qui concerne la côte, qui concerne l'eau. Okay. Ils ont établi des gestions... régional. D'accord, ok. De développement. Donc, puis ça, c'est le fun parce qu'ils ont un gros mandat de protection en même temps. Là, de, c'est pas juste. Financement? C'est exactement ce que j'allais dire. Ils ont peu de financement. C'est toujours ça l'affaire. Parce que tout ce qu'on dit, c'est beau, mais tu sais, je sais pas si vous réalisez la chance que vous avez de luxe de se poser ces questions-là. Tu sais, De nos jours, malheureusement, c'est rendu un luxe de pouvoir réfléchir. Je ne sais pas ici, en tout cas, je trouve qu'il en manque de réflexion. Parce que Parce que les gens sont pris dans leurs prérogatives économiques. Mais c'est quand même intéressant que ça existe. Ah oui, il faut que ça existe, mais ça devrait exister plus. Ils ont beaucoup moins de pouvoir. Si on est très dans les, ils ont beaucoup moins de pouvoir en région urbaine, c'est clair, mais moi je viens d'une région éloignée, là, je viens de la Gaspésie, puis ils ont quand même beaucoup de pouvoir en région. Là, c'est intéressant pareil le travail qu'ils font. Parce que bon, c'est plus facile. Mais ils ont du pouvoir, mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens, ça c'est sûr. Mais quand même, ils ont un gros pouvoir de consultation, puis ça, c'est quand même intéressant. Ouais. C'est eux qui vont inviter la population à dire leurs mots quand il y a des consultations. Puis, Mais est-ce qu'on en tient compte après dans les décisions? Oui, on en tient compte. Mais en région, c'est ça que je te dis, c'est qu'en milieu urbain, ils en tiennent moins compte parce qu'il y a tellement de pression que la pression est énorme. Fait que c'est sûr que ça n'a pas la même, pas en tout le même impact, là, ça c'est certain. Ça c'est intéressant de savoir. Et c'est n'importe qui peut postuler à ce type de groupe? De comité là, mais je pense que ils sont accessibles. C'est vraiment accessible. Tu appelles n'importe quel zip, puis tu leur parles, puis il n'y a pas de problème. C'est quoi, c'est des bénévoles? Il y a des postes payés. Il y a des gens engagés. Payés, mais il y a des... Il y a des coordonnateurs, des gens qui sont engagés à l'année là-dessus, mais il y a beaucoup de bénévoles. Et c'est sur des grands territoires? Quand même. Après, tout est relatif sur le mot grand. C'est petit peut-être pour le Québec, mais c'est grand pour Parce qu'ici, on fonctionne beaucoup par... comment on appelle ça, des comtés. Oui. Donc tu vois, en Gaspésie, tu as le comté de Bonaventure, le comté d'Avignon, bon, ça fonctionne par comté. Mm-hmm. Donc chaque comté a un comité zip, tous ceux qui sont riverains. Le comté, il regroupe plusieurs villes, plusieurs communes. Oui. On n'a pas vraiment des communes ici, mais... Plusieurs villages, Plusieurs divisés différemment, mais... C'est pas très clair c'est quoi les comtés, là. C'est des lignes un peu arbitraires. C'est un comté de, comme les élections au provincial, c'est pas les mêmes qu'au fédéral. Non, c'est ça. C'est un peu n'importe quoi, on le sait même pas. Faut regarder sur une carte à chaque fois pour savoir si c'est où. Là. C'est pas très logique. Oui, t'es donc bien depressé. Mais non, mais c'est déprimant. Ça va mal au Québec, là. Non, on va pas faire semblant que ça va bien, là. Si on a François Legault pour voir ça. Non, mais décourage pas bien. Ben, je veux pas leur compter de n'importe quoi non plus. Là. On essaie de garder le sourire. Oui, c'est bien. Mais... Voilà. On va passer une après-midi avec un climatologue. Ouais. Bah, quand tu vois un climatologue pendant 2h30 qui t'explique ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Ah oui, c'est ça. Tu veux pas être depressé après. C'est... On va proposer des choses. Et du coup, en parlant de non-accessibilité au niveau du fleuve, vous, comment vous avez rencontré le fleuve? Par quel type? Ben nous, on les contourne en fait le problème parce qu'on est dessus. Oui, c'est ça. On est en bateau, donc on peut aller n'importe où. Ça dépend si tu parles au niveau individuel ou éco-mariste. Au niveau individuel, au tout début, ça a été quoi votre rapport au fleuve? Ça vient de l'enfance, c'est quelque chose que ça a été une rencontre au fur et à mesure? Moi, oui, ça vient un peu de l'enfance, parce que j'ai passé un bout de temps de mon enfance en Gaspésie. Donc, c'est là que ça a commencé, c'est sûr. Mon rapport au fleuve a commencé là. J'ai été longtemps à Montréal, mais tout le temps, j'ai vécu 15 ans à Montréal, puis tout le temps que j'ai vécu à Montréal, j'ai pas vraiment eu accès au fleuve. Donc, on y pense même pas. Tu vis en ville, puis... Tu penses pas au fleuve. Ça, c'est quand même assez incroyable. Moi, en fait, je connaissais pas le fleuve du tout. Je suis grandi dans l'Outaouais, à côté d'Ottawa. Donc, je faisais du kayak, des rivières, du canot, mais je connaissais pas le fleuve, vraiment. Puis, j'ai commencé à naviguer à l'étranger. Puis, quand je suis revenu, je me suis dit, là, il faut que je navigue sur le fleuve. Puis, j'ai commencé à naviguer sur le fleuve. Puis, c'est comme ça, petit à petit, j'ai découvert. Mais c'est pas... La population de Montréal, la population de Québec, sont les qui doivent faire quoi? 70% du Québec. Puis les autres régions, il faut que tu sois dans le 25% ou 20% ou 30% qui habitent en région. Puis même là, eux, souvent ça signifie le froid, la pêche, le travail. Je pense qu'il faut que tu te sois abordé un peu par le plaisir ou par les loisirs ou... quelque chose d'autre. Par le travail directement comme les pêcheurs, là, c'est ça, mais il faut que ça soit comme vraiment plus bas. Là. C'est sûr. J'imagine que c'est comme le Sahara, tu sais. t'habites en ville, mais tu ne vas pas te promener dans le désert pour le fun. Là, tu sais, tu vas voir, je vais faire un tour dans le désert cet après-midi. Peut-être. Pas. Ben, pourquoi pas, oui, mais j'aimerais ça, moi. C'est sûrement pas tout le monde qui fait ça. Le fleuve, c'est un grand désert, quand même, un peu, d'une certaine façon. Donc, à part les cargos, vous croisez d'autres bateaux. Mm-hmm. Il y a quand même une espèce de petite communauté de gens à flot qui vivent sur le fleuve en bateau ou... Non. Qui vivent sur le fleuve en bateau, peu. Qui naviguent quand même. Il y en a qui naviguent quand même beaucoup, ça dépend, ouais. Mais c'est saisonnier, tu sais. Je veux dire, nous, c'est sûr qu'à cause de l'hiver, l'hiver est quand même plus rigoureux qu'ailleurs, donc c'est certain que, tu sais, les gens qui naviguent en tant que plaisanciers, ils vont, je te dirais, en grande partie, ils vont sortir sur l'eau 3 semaines par saison. C'est à peu près le topo, là. Il y en a qui font plus, mais si on fait une moyenne, ils vont sortir 3 semaines dans l'été avec leur bateau, puis c'est tout, c'est fini. Après ça, ils sortent de l'eau, puis ça va l'année prochaine. Mais il fait froid. Ouais, il fait vraiment froid. Et là, avec un bateau comme ça, en coque en acier, etc., c'est supportable, vous sortez... Ben oui, non, c'est clair que c'est beaucoup mieux. Mais à l'intérieur, on est bien. Moi, je pourrais pas naviguer autant... avec mon propre voilier à moi, que je le fais avec Écomaris, tu sais. On navigue presque 7 mois par année. Là. On commence début mai, on finit presque mi-octobre, fin octobre, des fois. Donc, tu sais, c'est quand même... Non, tu pourrais pas faire ça toute l'année avec un petit voilier, à moins d'être vraiment hyper bien organisé. C'est sûr que ça prend, pour faire ça, ça prend un confort minimum, tu sais, qui est ben, minimum. Ça prend un peu de la chaleur, là. Ça prend un chauffage qui marche. D'ailleurs, il ne marche pas, mais c'est... on a un problème avec en ce moment, mais il a marché pendant 6 ans, puis là, c'est ça. Donc, ça prend beaucoup d'autonomie à tous les niveaux. Autonomie électrique, autonomie d'eau, autonomie de carburant quand tu as besoin de carburant, parce qu'évidemment, c'est un bateau à voile, mais il faut, sur le fleuve, ça nous prend quand même une motorisation, on n'a pas le choix. Donc, ça nous prend une grosse autonomie de carburant, ça nous prend une grosse autonomie de réservoir de contention, c'est-à-dire au noir, au gris, etc. Fait que c'est sûr qu'on a ça avec ce bateau-là. C'est un bateau qui a 4000 litres de diesel, 4000 litres d'eau douce, une grosse autonomie électrique, fait que déjà un gros groupe électrique, fait que déjà en partant, ben, on est... Mais c'est un bateau qui est hyper, au niveau sécurité, qui est pas mal au top, parce qu'on n'a pas le choix, on est Transport Canada, puis on fait partie de la marine marchande, on n'est pas un bateau... Ah oui? Oui, on n'est pas un bateau plaisancier. Comment vous faites pour faire partie de la marine marchande? Parce que parce qu'on est commercial. Ouais. Ben, il y a des normes qu'on doit respecter. Puis, parce que selon le type d'activité, on est classé. Puis selon ce qu'on faisait, c'est pas de la plaisance, c'est pas de l'école de voile. Donc ça, puis pour les grandeurs, parce que jusqu'à, je pense, c'est 14 mètres que tu peux être sous école de voile, puis en route, ça, c'est plus école quand de voile. Dit, comme tantôt, on disait, on est le seul bateau école au Québec, mais il y a d'autres écoles de voile sportives, qui sont affiliées à la Fédération de voile du Québec. Ouais. Mais nous, on est dans un autre créneau, le créneau... grand voilier, donc navire école. Et social aussi. Oui. Grand voilier, c'est là le créneau qui est différent. Là. Donc nous, on doit être. On doit avoir un permis Transport Canada, on doit avoir des brevets Transport Canada. Moi, j'ai mon brevet capitaine Transport Canada, mes officiers ont leur brevet aussi. C'est ça que ça prend pour faire ça ici, au Canada. OK. Vous êtes. Étudiant en architecture, vous êtes architecte, vous êtes... En fait, le collectif existe depuis une dizaine d'années. On a fondé le collectif quand on était encore à l'école. Mais du coup, ça fait 8 ans maintenant qu'on est sorti de l'école. 8 ans. Et donc, on a continué après l'école à se retrouver pas mal sur la question conception, construction et recherche. Et se donner un peu toujours le temps aussi sur les chantiers, donc fait les choses en travaillant. Globalement, à petite échelle, c'est pas qu'on construit des buildings ou comme ça. Non. C'est sur une conception assez large de l'architecture. Beaucoup de construction. Enfin, on travaille beaucoup aussi avec les habitants, ou d'aide à la construction. Il y a aussi de la maîtrise d'œuvre, question de construire. Autoconstruction. Accompagnement, l'autoconstruction, okay. Notre autoconstructeur. Ah oui. et aussi sur du paysagisme, mais du coup, il y a toujours une question de et conception et construction. On s'empare un peu de. Du coup, c'est pour ça aussi les petites échelles. Mais sur par rapport à l'eau aussi en général, moi j'ai vécu avant sur un bateau en fluvial à Nantes, quand on était à Nantes et tout. Et je ne l'ai plus depuis, mais j'ai racheté il y a quelques années une coque en acier, justement, qui vient de Hambourg, une barcasse. Et du coup, ça a été aussi le prétexte à refaire. Là, on était pour une autre résidence en juin et en juillet, pour aller voir les savoir-faire de la construction navale qui tourne autour de cette coque, etc. Donc en fait, c'est aussi une manière d'aborder l'eau par un autre point. Il y a un an aussi, sur la question de l'eau, on avait fait une rencontre qui s'appelait Habiter l'eau. C'est pour ça qu'on a répondu à réhabiter le fleuve, parce que c'était quand même l'essence heureux, qui est aussi un peu aujourd'hui, où on avait invité pas mal de soit d'habitants de péniches, ou des sociologues qui ont utilisé ça, ou des gens qui ont des projets sur l'eau, etc. Enfin, des projets nomades, habitants en homme. En gros, toutes ces questions-là, c'est des questions de recherche. On profite un peu de ce cadre de résidence pour se donner le temps, justement. On disait que le temps, c'est un peu précieux. Enfin, on a un peu conscience que se poser des questions un peu comme ça, philosophiques, on part un peu de haut, de la question des communs, et on sait très bien que c'est un espèce d'idéal, comme ça, qu'on emmène avec nous. Et qu'en fait, celui-là, on aimerait. Ce qu'on fait là, depuis 3 semaines, c'est justement le construire, le déconstruire, avec justement en allant un peu sur le terrain, en rencontrant des gens, en allant faire un peu. Le confronter à différents contextes aussi. Au final, pendant cet temps, on a parlé beaucoup de l'eau, enfin là, je m'adresse à tout le monde, beaucoup de l'eau et du fleuve et des communs, mais au final, on a assez peu directement posé la question de l'habiter. C'est vrai, enfin, de ce que c'est que habiter, en tant qu'occupation aussi, enfin, je sais pas si. Est-ce que vous considérez comme habitant du coup du fleuve? Ben moi oui. C'est ça, 6 mois par année quand même. Avec 6 mois par année sur le fleuve, je peux pas vraiment me voir autrement que comme un habitant du fleuve. Ouais. Puis comme entreprise, ce qui est drôle, entreprise d'économie sociale, mais quand même entreprise, ils veulent toujours nous dire oui mais vous êtes où? Mais on est sur le fleuve. Mais c'est quoi l'adresse? Le fleuve. Et quand on applique pour des financements, il faut appliquer dans une région. Fait que je suis toujours obligé de mentir sur des adresses. Parce que je dis oui, ok, on est à Rimouski, là on est à Québec, on est à Montréal, mais finalement, on regarde où est l'argent, puis on dit ok, bon, on est là. Fait que c'est. Puis ils veulent toujours. Le financement, ça marche toujours par région aussi. C'est vraiment réducteur. Donc, c'est vraiment chiant. Parce que tu peux pas. Puis si tu reçois de l'argent pour telle région, il faut que ce soit utilisé pour telle région, pour des jeunes de telle région. Puis tu vas de l'autre côté, c'est à 2 km. Non, mais c'était pas dans la même région. Hey, ta gueule. Là, c'est le fleuve. Après ça, tu dis, on veut vous protéger globalement. Puis il y a eu de gosses pour une histoire de 2 km. C'est hallucinant. Donc, il y a comme une petitesse d'esprit dans la vision du fleuve. Le fleuve, c'est important que ce soit vu comme un bien commun, justement, mais ça ne l'est pas. Et on s'arrache pour des bouts de terre, des bouts de fleuve. Tu sais, puis, je m'en souviens jamais tellement que c'est ridicule. C'est quoi, c'est le fédéral qui est propriétaire du fond du fleuve? Oui. C'est quoi cette connerie? C'est qui le débile qui a pensé à ça? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça ne se justifie aucunement, cette affaire-là. Donc, je sais pas, on vit dans un monde de fous. Les rivières, tous les cours d'eau, c'est fédéral, sauf les seigneuries. Ça, je savais pas, mais sais-tu qu'il y a encore des seigneuries au Québec? Oui. Puis, comme il y en a une à Kamouraska, quand on avait été voir la famille pour acheter ça. Puis, sur cette seigneurie-là, il y a une rivière. Donc, les seigneuries sont encore propriétaires de leurs cours d'eau. Ils ont le droit de chasse toute l'année. C'est vraiment étrange. C'est une vieille loi, puis c'est encore valide. Mais bon, sauter du coq à l'âne, mais. Non, mais justement, ça a vachement lieu, parce que la question de frontière, justement, cette terre qui est du coup palpable, qu'on peut prendre, c'est pas comme l'eau qui nous glisse entre les doigts, etc. On a pas mal culturellement, en Europe comme ici en ouais. Amérique du Nord, cette question de hop, ouais. Là on ouais. Trace et puis, la clôture. Donc là c'est la clôture ouais. Administrative. Mais c'est le commerce qui a pensé ça comme ça, parce que tu vois, c'est la même chose avec les mines. On n'est pas propriétaire de nos terres, et on est propriétaire de nos terres 6 pieds, mais en dessous de 6 pieds, ouais. C'est plus à nous. Donc 2 mètres en dessous, c'est pas à toi. Ils peuvent venir chez vous puis creuser comme ils veulent. Puis... Non, c'est. C'est des lois comme ça. On a laissé le commerce prendre en charge ces choses-là. On disait juste le fleuve, réaliser que le fleuve n'était pas. On dit le fleuve, mais en fait, administrativement, si le fond appartient à quelqu'un, les rives à quelqu'un d'autre, l'eau au milieu à quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'unité. Non. Les boissons encore à quelqu'un d'autre. C'est la pêche. Puis le débit du fleuve est ouais. Géré en moitié par les États-Unis et le Canada. Ça ouais. Explique ah, un peu. Il y a aussi la pêche fédérale. Ouais. Parce que jusqu'à Québec, par Montréal, c'est provincial, puis par Québec, c'est une gestion fédérale. Est-ce que c'est là que se fait eau douce au salé, c'est ça? Mais la pêche professionnelle, ouais. Tu penses? Ouais, pêche professionnelle. Mais la pêche professionnelle. Mais il n'y en a pas en Haute-Québec, tu sais. Bon, ouais, t'as le lac Saint-Pierre qui a de la pêche professionnelle, puis Montmagny, mais ah, ça, oui. C'est. Je ne me rappelle pas, j'ai regardé. Mais il me semble que c'est provincial. Ah, pour le. Commercial en eau. Pour l'esturgeon? Ouais, la commercial en eau douce, c'est provincial. Je déteste les administrateurs. C'est pour ça. On essaie de comprendre. Non, mais essayez pas. Mais c'est intéressant parce que de voir un autre fonctionnement, ça nous réinterroge aussi. Enfin, nous, on est habitués à certaines choses en France, à certains cadres, lois. Ouais, ouais. Et du coup, de voir un autre fonctionnement ici, ça nous fait prendre conscience de certains trucs qui sont absurdes chez nous ou de choses qu'on trouve plus absurdes. Vous rendez compte, vous n'êtes pas les seuls débiles. Il doit déjà y avoir un peu plus de cohérence en France qu'ici, c'est complètement le bordel. Je veux dire, entre le fédéral, le provincial, toutes les provinces. Là, ouais, ça se peut qu'il y a... Ouais, il y a pas mal... Il y a pas mal d'incohérences aussi. Il y a pas mal d'incohérences, mais qui sont pas les mêmes, justement. Qui sont plus en rapport à voilà, une suroccupation du territoire aussi, sur le bord des... Ouais. Et du coup, une longue histoire avec plein de choses qui s'enchevraient, très des politiques différentes, donc c'est aussi... Ouais, c'est l'histoire qui vient compliquer votre système, en fait. Plus ben, l'histoire récente aussi. De l'Europe aussi, avec le droit sur l'eau... Enfin, ouais. Il y a vraiment une législation aussi spécifique à l'eau au niveau européen, qui a repris pas mal le droit français, mais en le libéralisant un peu plus, en acceptant que ça devienne aussi en partie un bien de consommation. Enfin, il y a aussi des luttes là-dessus, contre ça, etc. Donc ouais, non, c'est aussi... On n'est même pas encore experts, vraiment. On va profiter aussi de la session à Nantes, même si on connaît le territoire, pour aller voir des spécialistes de la question. Les îles Sorel, c'est super intéressant. Au niveau du milieu du fleuve habité. Uh-huh. Moi, c'est le milieu qui m'a le plus impressionné. C'est là où il y a des chantiers navals aussi ou... Non, ben, il y a déjà eu des chantiers navals à Sorel, là, des chaudronniers, des chantiers de chaudronnerie. Qui bâtissaient des coques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les îles de Sorel sont habitées de façon saisonnière par les gens qui, de la place, mais sur des petits chalets sur pilotis, tu sais, parce que l'eau monte souvent régulièrement dans les îles. Puis, là, on dit, il n'y a presque plus d'îles, les chalets sont comme tout en surface de l'eau. Ça, l'eau s'en va. C'est assez intéressant, il y a plein de petits canaux dans les îles Sorel, il y a énormément d'îles là-bas. Puis quand tu te promènes là-dedans, mais c'est un peu comme les bayous en Louisiane. C'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment le plus beau milieu. Oui, on y va souvent. Ouais. On y va toutes les saisons, on va s'ancrer là-bas. Nous, on n'a pas de tirant d'eau, c'est l'avantage. Ouais. Oui. On peut faire les petits canals. C'est parfait. C'est vraiment beau. Puis les Québécois qui sont dans votre échange ou. Oui. Ils sont d'où? C'est des architectes d'ici? C'est des architectes. Alors il y a. Oui, on a un en gros déjà. Oui, il est tout seul? Non, mais on a. Ils ont fait travailler. Enfin, à la base, ils sont deux. Il y a une agence d'architecture, une agence de paysage, mais du coup, il y a un architecte et une paysagiste. Et après, ils nous font travailler avec des gens qui sont dans leur entreprise, mais c'est des Français. Et donc, c'était pas hyper simple de finalement travailler avec des Québécois. À un moment donné, on se retrouve à 11 à travailler, il y a un Québécois un peu... Ouais. Vraiment, quoi. Mais c'est une agence d'architecture de Montréal, c'est Ad Hoc Architecture. Et l'agence de paysage, c'est Blanc Paysage. C'est, en tout cas, les paysagistes, enfin Blanc, c'est une des grandes agences de paysage. Depuis, ça fait plus de 20 ans qu'il y a. Comme le capitaine Haddock. ADHOC, ouais. Il y a pas le ADHOC. Et c'est Jean-François Saint-Onge. AD. Et la paysagiste. J'ai passé 3 semaines avec lui, c'est cool. HOC. Ça s'intéresse pas mal aux questions. Ça, comme Haddock, oui, comme Haddock. Okay. Ouais, c'est ça. Et l'agence de paysage, elle est très bien aussi. Qui est assez... ensemble. Qui est un chouette... Et en fait, ils ont répondu à cette résidence aussi parce que les questions du milieu de l'eau les intéressent et les questions de recherche sur enfin, le lien au club aussi. Jean-François, comment ? Saint-Onge. Saint-Onge. Saint-Onge, comme voile Saint-Onge. Ok. Saint-Onge ou deux Saint-Onge. Si vous êtes intéressé pour les rencontrer, on peut vous mettre en lien, vous Et pour le coup, ils sont dans une façon de travailler qui est plus sur un modèle plus conventionnel de faire de l'architecture. Du coup, sur toutes les questions opérationnelles de construction, etc., ils sont certainement plus dans un... Enfin, trouver un lieu où des barges, etc., puis ils sont d'ici, et faire des choses, j'imagine, qui pourraient être intéressantes. Ils ont le goût des challenges un peu, je pense. Mais c'est quand même très drôle, je dois vous dire, j'arrête pas de penser, hier après-midi on est en train de travailler du coup sur notre projet un peu utopie là, du fleuve, et Fabien t'as quand même commencé à dessiner un bateau où tu disais il pourrait y avoir des scientifiques dessus, il pourrait y avoir des spectacles, puis ça pourrait faire du transport de personnes et tout. Bon, après c'est de donner des... Tu vois, c'est essayer d'un moment donné aussi de montrer nous... De faire des, c'est du désirable, de dire mais demain le fleuve comment il pourrait être vécu, comment on pourrait, et puis tu sais tout de suite en disant, en acceptant le fleuve, pas en essayant de le contrôler, en disant il a besoin d'une notion qu'on a découverte comme Lucien, en tout cas moi je la connaissais pas, c'était la notion d'espace de liberté, c'est à dire qu'aujourd'hui il dit on a rencontré un climatologue qui disait bah il y a des inondations, puis bah ça crée des, il y a des morts ou il y a des destructions, puis c'est un problème. Donc, en fait c'est pas censé être un problème, parce que si tu donnes de l'espace de liberté au fleuve, l'inondation n'est pas un problème. Comme tu dis là sur les Sorel, ils ont construit sur pilotis, donc ils ont anticipé, ils vivent avec. Bon, et nous on est en train de réfléchir un peu tout ça, c'est-à-dire à un moment donné, comment on habite avec, comment on recrée des corridors écologiques, comment... Et te dire que les catastrophes, c'est qu'à partir de l'homme où l'homme habite là, en fait, parce que si on laissait assez d'espace pour les fluctuations dans le lieu, en fait... Je dirais que les catastrophes, c'est juste la Terre qui s'exprime. En fait, il y a des milieux côtiers qu'on ne devrait même pas habiter. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est sûr. On est en train de tout détruire au Québec, les milieux humides. Là, c'est un problème énorme au niveau de l'écologie. Ou habiter d'une autre manière. Je dis où habiter d'une autre manière. Ou habiter d'une autre manière, mais même à ça, tu sais, il faut quand même... On aurait beau vouloir habiter le territoire de la façon la plus intégrée possible, je pense qu'il y a quand même aussi une question de nombre, tu sais, tu peux pas à un moment donné, il y a une limite, l'écologie a une limite à supporter l'habitation d'humains sans que ça soit détruit, tu sais. C'est un milieu humide où il y a plein de plantes riveraines qui poussent là, avec les estrants, tout ça, ben c'est sûr qu'à un moment donné, si t'habites là, t'habites là. Tu peux pas être complètement... zéro trace, là, je pense pas que ça existe. Là. C'est... En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Mais... Ouais, du coup, nous, on a abordé un peu cet exercice, réhabiter le fleuve, un peu en mode prospectif, en se disant, on va pas poser là une île avec des bâtiments pour. Ou alors des logements sur l'eau, parce que habiter, ça ne serait pas à ça. On va un peu plus loin, et dans cette question de. Justement, quels sont les usages à favoriser ou quels sont les usages qu'il n'y a pas, et qui... mais sans forcément dire faire le grand effet de publicité, que tout le monde vienne et que tout le monde accède au fleuve. Je pense qu'il y a pas mal de démarches qui vont dans ce sens-là. Peut-être aussi, surtout dans les endroits où ça a déjà été détruit. Non, mais je pense pas que ce soit grave. Ouais. Je pense pas que, qu'il y ait un appel de populer le fleuve ou que ce soit Et du coup, de s'intéresser plutôt aux usages un peu particuliers, justement, les. Et c'était en se baladant, justement, on a raconté qu'on a descendu tout le port là pour essayer de coller au plus près du port. Et on est arrivé jusqu'à l'île Charon. On a utilisé la dernière navette de l'année qui fait Bellerive, Île-Charron. Ok. Et du coup, discuter avec les gars qui faisaient la traversée. Mmh. Et il y avait arrivé sur l'Île-Charron, il y a un traversier qui est là, qui est abandonné, enfin pas abandonné, je crois que c'est la propriété du patron de la boîte qui fait les... Mmh. Ouais, c'est exactement ce que tu veux dire. Et du coup, j'ai vu un peu, enfin moi j'aime bien les bateaux aussi, ouais. C'est super intéressant, il a été... Et ouais, c'est le grand plateau là, avec... Non, mais je pense que c'est un ancien traversier, puis ils l'ont acheté, ils voulaient faire quelque chose avec ça il y a comme 2 ans. Finalement, je sais pas, le projet a tombé à l'eau, puis ils l'ont parké là, juste... il y a comme une espèce de baie artificielle, là, où il y a le tunnel, là. Puis là, il est parké là. Et ouais, ça m'a juste commencé à faire le petit vélo en tête, à se dire, ok, il y a ça qui est ici. Ouais. Sans doute, c'est pas possible de le récupérer ou. Bah, c'est pas impossible. C'est comme les autres, ça pourrait peut-être. Mais comment utiliser ce truc-là, c'est pas grand. Comme support d'une réflexion ou ce genre de choses. Mais tu vois, moi, j'avais été approché par la ville de Sorel il y a quelques années, peut-être 4 ans, 4-5 ans, pour faire un traversier entre Montréal et les îles de Sorel. Okay. Parce que c'est justement un patrimoine de l'UNESCO. Puis ils voulaient. Faire un espèce de lien, que les îles de Sorel deviennent une espèce d'air ouverte de l'espace pour la vie. Donc, jardin botanique, insectarium, planétarium. Que ce soit comme une annexe nature sur le fleuve. Puis, ils m'avaient demandé si je voulais développer un projet avec eux pour faire la navette. Donc, faire une navette avec un bateau plus écologique, rapide. C'est non polluant, etc. Donc quelque chose d'innovant. Donc j'ai parlé avec, vous connaissez peut-être Yves Parlier, qui est un navigateur français, qui a fait plein de trucs, plein de courses à travers le monde, etc. Puis bref, Yves Parlier a pris sa retraite comme navigateur à proprement parler en course, mais il a développé une technologie avec des kites. Donc pour tracter les cargos, pour réduire leur consommation. Ah, oui. Puis j'avais parlé avec lui pour développer un projet de bateau kite, donc entre ici. Qui aurait été assez rapide, qui aurait été juste tracté par le vent, en fait, avec en tout cas, il y a plein de technologies qui avancent quand même assez rapidement. Mm-hmm. Mais c'était trop flyé pour le monde ici. C'était comme non. Il demande, il part, oh, oui, on veut être fou, mais là, tu dis, ok, mais tu veux que je sois fou, je vais être fou. Tu parles un truc, tu dis, non, c'est trop fou. Sois un peu moins fou, là, t'es un peu trop fou. Puis, ok, bah, tu résous un peu, puis là, après, il dit, ah non, t'es encore un peu trop fou. Mais là, tu sais, peut-être ton projet, fais-le tout seul. Donc là, bon, en fait, je pense que le projet est juste tombé, finalement, parce qu'ils ne voulaient pas tellement. Fait qu'il y a ils ont des velléités à un moment donné de faire quelque chose, mais ça tombe. Ce ne sont pas les moyens de leur ambition? Non, pas vraiment. En fait, c'est vraiment ça au Québec. Je trouve qu'on n'a pas ça, on n'a pas les moyens de nos ambitions. En fait, maintenant, on n'a même plus les moyens d'avoir de l'ambition. On n'a juste plus d'ambition. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. On va prendre un vieux bateau pourri avec un moteur pourri des années 40, puis retape-le, ça va faire écologique. C'est comme quoi tu parles. Enfin, je suis un peu découragé du système québécois. Il est dark aujourd'hui. Non, c'est profondément ce que je pense. Non, mais c'est pour toi que tu dis avec les fonctionnaires tout le temps. Hein, dis, c'est quoi devenir dark? Ah, je comprends, mais écoute, tu viens de présenter un super beau projet il y a 2 jours. Ben oui, mais ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement est out pour moi. C'est les gens qui veulent qu'on ait une vision, il faut qu'ils se débrouillent autrement, parce que les gouvernements sont toujours à la traîne des entrepreneurs qui se permettent la liberté d'innover ou de faire les choses autrement. Innovation pour un fonctionnaire, c'est ridicule. Ce que le mot innovation veut dire pour un fonctionnaire, puis ce que ça veut dire pour un entrepreneur, ça n'a rien à voir. Mm. Donc, parce que je ne vous donne pas des exemples parce que. On va arrêter ça. Mais. Bon, on parle du captage de l'aventure et comme Maris. Vous naviguez au-delà de terre-mer? Non. Pas encore. Et les idées de descendre un peu à côté de l'Atlantique? Il y en avait au début, mais en fait, c'est encore une fois, c'est des questions économiques. Oui. La saison est courte, puis il faut, faut rentabiliser. On bouge beaucoup, hein, faut le dire. On bouge beaucoup. Notre territoire est déjà énorme. On fait le fleuve pratiquement 12 fois les retours par année. Là. J'exagère un peu, mais donc on n'a pas vraiment le temps d'aller trop loin dans le golfe, puis après ça, être obligé de revenir vers Québec. Puis là, notre but de plus en plus, c'est justement d'essayer de faire tout le temps de plus en plus de voiles. Donc, d'organiser les voyages pour être capable de faire toujours de plus en plus de voiles. Ouais. Puis pour ça, ben il faut pas faire trop de routes parce que sinon, on n'en finira jamais. Là, t'sais, on pourra jamais faire de voiles. Donc, c'est pour ça que on essaie de se limiter quand même, là, mais on essaie quand même d'être beaucoup dans le bas, dans le golfe, dans le bas du fleuve, puis dans le golfe. Mmh. Moins vers Montréal, Québec. Ouais. Et du coup, il navigue bien? Enfin, il y a, avec sa voilure, est-ce que vous dites aussi... C'est pas un bateau qui remonte au vent? C'est un bateau de portant. C'est un bateau de portant, c'est ça. Il y a un fond plat. Le bateau, ce qui est intéressant pour le fleuve, c'est qu'il est fait comme les anciennes goélettes du Saint-Laurent. Uh-huh. Pour aller s'échouer. Hmm? Pour aller s'échouer. Je savais que t'allais dire ça. J'allais faire mes cheveux. Je vais faire des coups de pied en dessous de la table. Là, c'est que j'ai une inside. On rentrera pas là-dedans non plus. On rentrera pas là-dedans non plus. C'est soir de couple. Non, c'est que oui, c'est ça. Le bateau, il est fait comme les anciennes goélettes du Saint-Laurent. C'est-à-dire que c'était des fonds plats. Puis vu qu'il n'y avait pas beaucoup de quais à l'époque tout le long du fleuve, pour transporter du matériel, il fallait qu'il s'échoue dans les deltas de rivière, dans les barachois, sur les plages. Il y a beaucoup d'eau au fond, le long du fleuve. Là. Donc, Plein. Donc, c'est ça. C'est intéressant quand même de ce bateau-là, mais ça, l'avantage du désavantage, c'est que le bateau, ben, il ne peut pas faire du beau prêt. Il peut faire du prêt bon plein, travers. Donc, c'est un bateau de portant. À partir du... un tout petit peu montant, mais très près du travail. C'est pas mal, parce que le Saint-Laurent est plutôt sud-sud-ouest, nord-nord-est, en gros. Oui. Et les vents dominants sont plutôt d'ouest. Les vents dominants sont d'ouest. Ouest, sud-ouest, nord-est, nord-ouest. Et quand tu descends, ça va. Navigation assez... Quand tu descends, mais quand il faut que tu reviennes. C'est le retour qui est plus... Puis encore, parce que, tu sais, c'est quand même assez variable. Puis, il faut que tu joues avec les marées. Donc, tu peux pas tout le temps non plus dire, tu sais, comme en face de Québec, disons qu'on sort pour une journée avec les cadets de la marine. On a les cadets comme clients, entre autres. Si on sort avec eux à Québec pour une journée de voile, ben on est dans le courant toute la journée. Donc, tu sais, faire de la voile là-dedans, c'est pas évident. Là. On en fait, mais il y a des fois où on fait plus semblant d'en faire parce que... Il faut, si on veut remonter, si on veut pas le dériver trop, on n'a pas le choix d'utiliser un peu le moteur, donc on est voilé moteur. On fait pas semblant, on fait jamais semblant. Mais c'est voilé moteur. Il y a le moteur en appui éventuellement, des fois pour remonter. Mais quand tu remontes, t'as pas le choix. Vraiment. À partir de Rimouski, par contre, là, on a du fun au bout. C'est combien de courants environ? Ben, ça peut aller jusqu'à 5, 6. En traverse Saint-Roch, tu as 8 nœuds. Traverse Saint-Roch, oui. 8 à 10 nœuds. C'est ça. On ne passe pas souvent par là, mais il peut y avoir énormément de courant là-dedans. Puis ça dépend de la saison, c'est ça. À l'automne, au printemps, quand il y a des coups d'eau, c'est ici en dessous du pont, là, ça peut être 7, 8 nœuds. Et genre au lac Saint-Louis, c'est ça le lac Saint-Louis qui est avant Trois-Rivières, non? Non, ça, c'est le lac Saint-Pierre. Lac Saint-Louis là, étant... Là, du coup, il n'y a plus de courant en surface, ça va? Ou... Non, il y a du courant parce que le lac Saint-Pierre... Il n'y a pas d'eau. Le lac Saint-Pierre, c'était un lac où il y avait originalement à peu près gros maximum 2 mètres d'eau à l'origine. Donc, c'est un marais, le lac Saint-Pierre. Mm-hmm. Ils ont creusé un chenal là-dedans avec 15 mètres de profondeur. Mais c'est... Mais c'est comme, il ne faut pas sortir. C'est une tranchée. Donc, le lac Saint-Pierre, maintenant, là, l'écologie du lac Saint-Pierre, maintenant, est séparée en deux. Il y a complètement une écologie différente au sud du nord. C'est pas pantoute le même environnement. C'est pas pantoute la même biodiversité à cause du chenal qu'ils ont creusé. Donc, ça a réduit encore, du coup, la profondeur du lac sur... Ben oui, parce que tout s'est engouffré là, c'est sûr. Sauf que avec le ce qui est arrivé justement avec la voie maritime du Saint-Laurent, quand ils ont fait le qui ont enlevé le canal de la Chine, ils ont fait la voie maritime du Saint-Laurent. Mais là, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dû, en même temps, faire un comité de gestion du niveau de l'eau. C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, les grands lacs sont gérés par les États-Unis et le Canada, énormément par les États-Unis. Donc, eux autres, ils vont contrôler, c'est un comité qui contrôle le niveau des eaux, mais c'est beaucoup contrôlé dans le but commercial du transport. C'est moins, c'est pas contrôlé tant que ça pour l'écologie, là. C'est un contrôle pratique, tu sais, qui font de l'eau. Donc, c'est sûr que, je veux dire, tu sais, anciennement, il y avait beaucoup plus d'eau au printemps qui s'en venait dans le fleuve, là. Dans les îles de Sorel, là, ça pouvait monter jusqu'à 10-15 mètres, ça pouvait monter de haut, là. Les gens avaient des maisons sur pilotis avec 2-3 étages. Puis ils devaient monter le bétail, les granges étaient faites pareil. Puis le bétail était monté au deuxième étage quand le printemps s'en venait, quand il y avait la fonte des neiges, puis qu'il y avait la débarque, puis tout ça, là. C'est assez impressionnant. Fait que là, maintenant, ils contrôlent ça aussi au printemps pour qu'il y ait moins de gros coups d'eau. Mais c'est comme ça que ça se passait avant. Vous regardez les vieilles gravures de Montréal. Le vieux Montréal, il y avait des débâcles énormes. Il y avait des glaces qui pouvaient monter hautes comme des bâtiments. Là. C'était vraiment... On le voit dans les archives, dans les vieilles photos de Montréal. C'est impressionnant de voir ça. Les vieilles photos, les vieux dessins, les gravures. Et du coup, les îles Sorel, elles étaient habitées à l'année? Et là, ça s'arrête pas en... Anciennement, il y a des gens qui habitaient là à l'année. Maintenant, non. C'est rendu des chalets. Mais il y a longtemps de ça, encore dans les années 40-50, il y a des gens qui habitaient là. Du coup, la question d'habiter le fleuve, en gros, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des... Vous disiez qu'il n'y avait pas de bateau habité, mais la personne qui habite sur... Bien sûr, il n'y a pas de péniche comme on fait sur les rivières, vraiment. Il y a quelques excentriques qui habitent dans leur bateau l'hiver aussi, mais comme expérience. Mais moi, j'ai jamais entendu que je connais personne qui habite dans son bateau depuis 10 ans sur le fleuve. Toute l'année, là, non, c'est très rare. Les gens vont l'essayer un hiver, deux hivers. De toute façon, le fleuve est difficile à naviguer l'hiver. Là. Les cargos ont de la difficulté. Ça doit être ouvert. Le chenal doit être ouvert, déglacé régulièrement. Puis souvent, même les brise-glaces coincent. Puis les traversiers sont pognés là pendant 3, 4, 5 jours. Le temps que la glace se défasse, qu'ils repartent. Il y a des années où ça n'arrive pas du tout, mais il y a des années où ça... C'est pratiquement tous les ans où la glace est vraiment pris. Et c'est pas du coup en hiver, Écomaris, il est ici à Montréal ou... Ouais. Mais pour la première fois, on va bouger à Repentigny. Okay. Parce qu'on a trouvé un endroit qui va nous permettre de faire des travaux plus facilement. Ici, on est un peu pris. Là. Mm-hmm. Il n'y a pas d'atelier à côté. Ouais. Pas de... Ça, c'est un peu la marina propre. Ouais. Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de voisins fans, effectivement. Le voisinage, ça n'a pas l'air d'être très vivant pour un... Non, ben, c'est le fun d'être quand même centre-ville, là, à côté du Vieux-Montréal. Et, ouais, c'est le fun mal, quand on fait des rencontres avec les partenaires, avec les anciens participants, etc. Là, ça, c'est bien pour ça. Mais c'est plus difficile l'accès à tous les spécialistes qui peuvent travailler sur le bateau. L'accès aux fournisseurs, aux matériaux, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, par rapport à ce penchant plus scientifique, quelles sont les activités des communs? Il y a une question éducative, et puis sociale, transmission, et puis développement personnel. Mm-hmm. Et il y a aussi une activité plus recherche. Pas vraiment. Pas recherche, parce que recherche, c'est un gros mot. Ouais. Pour faire de la recherche, il faut vraiment t'aider. Des projets de recherche avec des protocoles, puis avec l'équipement, puis etc. T'sais, la vraie recherche, là, on fait pas de la vraie recherche. On fait de la collecte de données, on fait de l'initiation scientifique, si on veut. Okay. Veux-tu qu'on laisse les drapeaux en permanence ou... non. Ben là, ça va. Ouais, je vois ça. Ce qui est bien, c'est que vous me demandez toujours les choses après. On laisse les drapeaux, Simon. Non, mais correct, je peux le monter, peut-être. Non, non, non, mais tu peux me réinstaller le phoque, par exemple, si tu veux. Non, tu leur feras monter tes drapeaux demain. Là. Ok, ouais, là, c'est une bonne idée. Laisse les drapeaux sortir. Ouais, c'est une bonne idée, certain. À défaut de remonter le phoque, ils vont monter le drapeau. Oui, donc, alors, on veut développer plus parce que. En même temps, on est un peu pris dans notre saison qui est courte, donc on peut pas. Il y a comme des choix à faire à chaque saison sur ce qu'on fait cette saison. On a des offres, c'est un peu. On est déjà plein pour l'année prochaine, en fait. Donc, on a peu de jeux. Faut voir longtemps d'avance. Donc l'aspect scientifique, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Principalement le plancton. Plancton, cette année, on a fait pour la première fois. Ben, pas la première fois, mais. Ça s'appelait le plancton cosmique cette année. Donc, c'est du plus grand au plus petit. Et ça fait quelques années qu'on fait du plancton, mais on dirait que là, cette année, ça a rentré plus comme une activité récurrente. Parce que l'étude du plancton est vraiment intéressante pour la compréhension du fleuve. Puis, il y a un effet de surprise aussi que les gens voient qu'il y a autant de vie. Puis d'être capable de la représenter, de l'avoir sous ses yeux, il y a quelque chose de palpable qui est vraiment qui change, qui a vraiment un impact. Et puis le plancton, c'est pas connu. En fait, les gens. Non. C'est un des côtés qui serait le fun justement de présenter dans un lieu comme ici, ouais. Dans le vieux port de Montréal. Tu peux comme avoir une exposition qui est plus ou moins permanente où les gens viennent voir qu'est-ce qu'on a récolté, puis ils viennent voir du plancton en image. Puis... Un musée des sciences en plus. Ouais. Ouais. Donc on serait pas loin du musée des sciences, donc effectivement des partenariats à faire avec ça. Donc, c'est pour ça que dans notre camp de base, on devrait avoir un laboratoire plancton. Mm-hmm. C'est pas obligé d'être gros là, mais pour accueillir une trentaine, quarantaine de personnes à la fois, puis pour regarder, toucher un peu les avec les microscopes pour voir ça pour les enfants, pour la prise de conscience, c'est que c'est une partie de la solution, c'est toute l'oxygénation de la planète. S'il n'y a plus de plancton, ben il n'y a plus d'oxygène. Et est-ce qu'il y a aussi un volet plus largement sur le plancton, sur la faune et la flore, la biodiversité du fleuve, des rives autour du fleuve? En fait, nous, dans notre programme, on inclut ça de façon quand même de plus en plus développée. Là. On essaie vraiment d'augmenter tout le temps ce volet-là, parce qu'on a tout ça. Disons, comme exemple, avec le programme Cabestan, avec les jeunes en réinsertion sociale, bien là, on va leur donner toutes sortes de formations. On va leur donner des formations, on pourrait dire que c'est des micro-formations, parce que deux semaines, on s'entend. C'est des initiations à plein de domaines. En fait. C'est ça, c'est des initiations. Fait qu'on va leur faire carte et pilotage, on va leur faire météo marine de base, on va leur faire... tout le gréement, la manœuvre à voile, tout ce qui est marine à voile, on va essayer de couvrir ça, les nœuds, le matelotage, etc. À la base, c'est sûr qu'on se concentre là-dessus, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent être en mesure de manœuvrer à voile le plus rapidement possible. Après, on intègre là-dedans, au fur et à mesure qu'on avance sur le fleuve, on intègre les topos qu'on a développés durant les années. T'sais, exemple, on va leur expliquer un petit peu... l'environnement des îles de Sorel, de lac Saint-Pierre. Après ça, en descendant plus bas, l'eau douce commence à partir de l'île d'Orléans. L'eau salée commence à partir de l'est de l'île d'Orléans. Fait qu'au fur et à mesure qu'on descend, on leur explique toutes ces choses-là. Après ça, groupe, on arrive à Tadoussac. On a un partenariat avec le parc marin. Okay. On a des documents, on travaille avec le GREM, on travaille avec le ROM. Le réseau d'observation des mammifères marins, le groupe de recherche sur les mammifères marins. Donc, on travaille en partenariat avec eux. Puis, eux autres nous donnent du matériel pour pouvoir faire nos topos de formation. On a du krill à bord dans du formol. On a des petites baleines en caoutchouc pour leur montrer exactement de quoi ça a l'air, une baleine noire. Après ça, quand on la voit, on est capable d'identifier. Après ça, on va participer aussi à remplir, quand on voit des mammifères marins, on remplit des fiches qu'ensuite on va envoyer au GREM pour qu'eux autres puissent mettre ça dans leur base de données. Dans leur base de données. Fait que, puis on contribue depuis cette année avec Plankton Planet aussi, donc pour faire pour pouvoir répertorier le plancton du Saint-Laurent dans une base de données internationale, en fait, des. Puis nous, on devient intéressant parce qu'on repasse souvent au même endroit. Puis donc ce qui est pas le cas de beaucoup de gens, c'est ils font des transectes une fois par là, mais nous on va refaire les mêmes choses mais plusieurs fois dans l'année. À ce niveau-là, oui, c'est de la recherche un peu. C'est comme bon, puis quand Christian Sarnet est venu à bord, ben lui c'est sûr qu'il utilise ses récoltes pour faire de la recherche par la suite. Là. Lui, il ramène ça en France, puis il fait des études à partir de là, tu sais. Donc, il voulait de la recherche quand même. Mais c'est pas des gros projets de recherche. Non, c'est pas des gros projets de recherche. C'est plus des projets de sensibilisation. Parafilm font des documents vidéo pour. Il y a de la collecte. Ouais. Ouais. C'est pas comme le Tara, tu sais, qui vont avoir des projets. Ou ici, il y a le Coriolis aussi qui fait ça, qui est vraiment un navire qui va supporter les projets de profs d'université qui vont avoir des objectifs spécifiques. Mais ils sont. La Moutsen, la garde côtière. C'est tellement cher de faire ces projets-là pour eux qu'ils vont peu, finalement. Parce que nous, on n'est pas cher. Donc, on peut y aller plus, sauf qu'on n'est pas. On n'a pas de matériel performant pour des recherches très poussées. On n'a pas l'espace non plus pour avoir le matériel scientifique qu'ils ont besoin. Ça, c'est sûr. Ouais. Le Tara, il vient ici? Non. Il est venu une fois, mais. Non, on n'est pas sur son parcours, mais on travaille avec des gens qui ont travaillé sur le Tara. D'accord. Le Coriolis, c'est un peu l'équivalent d'ici? Non, le Coriolis, c'est non. Non, non. Coriolis, c'est vraiment un bateau de recherche, mais c'est pas comme le Tara, c'est un bateau. C'est pas un voilier. Mm. Puis il y a des plus gros équipements, ils font vraiment Le Coriolis travaille beaucoup avec l'ISMAR à Rimouski. L'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Mm. Puis ils travaillent beaucoup en partenariat avec l'Argentine sur des développements de technologies comme des bouées intelligentes puis des choses comme ça. Puis des projets très très spécifiques. Des bouées intelligentes. Oui, des collectes de données, là, de plein de choses qui interfacent avec ça. Il y a du développement technologique dans ça, je sais pas trop. Là. Ils vont travailler aussi, là, je sais que cette année, ils ont commencé à travailler avec des projets de pêcheurs, parce que là, avec la baleine noire, ils sont en train de développer des nouvelles façons d'aller larguer des engins de pêche sans qu'il y ait de cordage avec des bouées ou des bouées flottantes. Ces cordages-là sont très dangereux pour la baleine noire. Donc là, ils sont en train de développer des projets. Des cages qui vont être submersibles, mais avec des ballons qui vont se dégonfler, puis ensuite qui vont se regonfler avec des outils de contrôle électronique. Il y a toutes sortes de projets comme ça qui sont développés. C'est vraiment plus de la recherche que. Ouais. Nous, le but, c'est d'initier les jeunes puis leur donner le goût d'aller sur le fleuve, en fait. Puis que ça veut dire quelque chose. Quand ils entendent parler du fleuve, ben, ils disent « Ah oui, ok, je suis déjà à la Baie-Comeau. » Ne serait-ce qu'ils puissent avoir un seul souvenir du fleuve, c'est déjà quelque chose. On a quand même participé en 2014 à un inventaire sur la baleine noire. Mon rêve ultime, ce serait qu'il y ait, comme aux Bermudes, il y a un voilier qui s'appelle le Spirit of Bermuda. Vous connaissez? Puis quand les jeunes ont à peu près 13, 14 ans ou 15 ans, ils doivent passer un certain nombre de jours obligatoires. Ça fait partie du cursus scolaire des gens des Bermudes. Donc, ils doivent aller sur l'eau. Donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un truc similaire sur le fleuve. Donc, parce qu'il y a plein de matières obligatoires qu'on apprend, puis on n'a rien à péter, en fait. Puis le fleuve, je sais pas, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'économie, ça fait partie de notre géologie, ça fait partie d'un paquet de trucs. Donc, pourquoi tout le monde ne devrait pas y passer, ne serait-ce qu'un mini-séjour pour avoir un peu une idée de ce que c'est. Pas comme si on était... pas comme si on disait qu'il faut aller les exporter dans le Sahara pour qu'ils comprennent c'est quoi la désertification. Là, c'est d'à côté. Tout le monde pourrait y avoir accès. Puis comme on peut y avoir accès par les berges, mais pourquoi on ne peut pas y avoir accès par l'eau? Donc, j'espère un jour avoir un énorme bateau ou deux ou trois bateaux qui pourront desservir le Québec au complet puis amener... tout le monde découvrir un peu ce que c'est, puis c'est quoi la navigation. Ouais. Qu'on redevienne un peuple de marins, en fait. On l'a déjà été, mais on ne l'est plus. Il y a combien de jeunes qui passent par Écomarine? 450-500 par année. Ah ouais. Pas plus que ça. Ben, c'est déjà pas mal. Ouais, mais ça, j'ai calculé plus. Ah ouais? Ben, écoute. Comme ça traînait. Ouais, parce qu'il n'y a pas juste des jeunes. Ouais, bon. Enfin. Non, je dirais ça. Ah non, je vais tout. Spirits of Bermuda. Ouais. Tiens, tous les détails, là. Tous les détails? Qu'est-ce que c'est que ça? De l'été. 119 cadets à la journée, 14 ADN, 15 le, 60 le. Ok, ouais. Quoi, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Check, juste les cadets, on en a genre pour 200 kicks. Hein. Mm. C'est cool. Je vais checker ça, oui, je vais checker ça, oui, je vais le checker, mais un autre jour. Pas là. Ça doit être dans le bilan de saison, si j'ai le temps de demander ça. Ah ouais, ok. Mm. Ouais. Bah, merci de nous avoir reçus. On n'a peut-être pas abusé de votre temps non plus pour longtemps. Je suis sûr que vous avez peut-être des choses à faire. On est quand même samedi soir, ouais. Ouais. En tout cas, on a un petit exercice à vous proposer, si vous voulez. On le propose à toutes les personnes qu'on rencontre. Et on a commencé par le faire nous-mêmes. On a commencé par le faire nous-mêmes. C'est honnête. C'est honnête. En fait, comme vous disiez, le thème c'était réhabiter le fleuve de notre résidence. Et c'est, puis, toujours rien. C'est toujours rien. Mais on l'a donc, on vous a parlé du bien commun, et puis on l'a décomposé en fait sur trois notions. Et nous, donc, on était nombreux à commencer cette résidence. Il y avait des Québécois, des Français, on était tous différents. Mais, un Québécois? Ouais, un Québécois. Allez, deux. Allez, on met Michine dedans. Mais oui, Michine est la grande gare. Et en fait, comme on avait commencé les recherches et être beaucoup influencé par ça, on a décidé de d'abord faire un petit enregistrement chacun sur trois notions. La notion de l'eau, le fleuve, habiter et le bien commun, ou le commun. Mais en tout cas, on s'enregistre, on s'est tous enregistrés en disant bah, moi, ma vision de la notion d'habiter, c'est ça, ma notion du bien commun, c'est ça, ça dure 30 secondes, une minute. Et on fait ces capsules sonores, mmh. Et on les garde sous le bras et on les ressortira plus tard à la fin de la résidence pour écouter et pour avoir ces, mmh. Montrer cette diversité en fait, de, mmh. Parce qu'on est sûr qu'il y a une très grande diversité de ces notions. Et donc voilà, on a... Cool. On commence avec Bruno, il va être très intéressé. Je serais pas inclus dans les... Ah, oui, c'est inclus, t'es toujours inclus dans nos projets. si ça vous manque, on s'enregistre avec ton téléphone portable. Ouais. On pourra vous renvoyer un petit mail juste pour vous réexpliquer un petit peu. Ok, tu veux pas faire ça là? Si vous voulez faire ça là, vous pouvez faire ça. Ouais, oui. C'est l'idée de faire quelque chose en tout cas de spontané. Oui, on va faire ça spontané là, parce que sinon mon spontané dans deux semaines il sera plus spontané. Tu vas être spontanément oublié. Moi ouais, je vais spontanément oublier. C'est vraiment ça. Vas-y, ça peut être directement là. Vas-y, l'arceau commence. Pour toi, c'est quoi le droit? Tu veux commencer par quoi? Je vais commencer par m'asseoir. Ok, il y avait l'eau, le fleuve. L'eau et le fleuve. Ben là, si on parle du fleuve Saint-Laurent, ben pour moi, le fleuve en premier lieu, c'est un pays, là. C'est mon pays. Tout a commencé là. Puis pour moi, ben tout devrait continuer là. Tout devrait revenir à ça. C'est comme, c'est vraiment ça pour moi le fleuve. Puis, vu que je travaille énormément dessus, plusieurs mois par année, ben c'est certain que moi, j'en suis complètement amoureux là, de ce fleuve-là, là, puis que mon but, c'est de le partager, puis faire en sorte, justement, que, un petit peu comme on a dans la mission des Comaristes, faire en sorte que les gens qui vont le naviguer vont en tomber amoureux, eux autres aussi, puis qu'ils vont, justement, vouloir le protéger. Qu'on protège ce qu'on aime. Voilà. Ça, c'est pour le fleuve, pour l'eau. Ben l'eau, c'est ça, c'est tout lié ensemble. Là. L'eau, je veux dire, c'est... L'eau, on peut pas vivre sans eau. Puis l'eau appartient, pour moi, l'eau appartient à tout le monde. Donc, l'eau appartient en premier lieu à ceux qui ont soif. Okay. compliqué, c'est ça. Puis après ça, ben l'habitat. L'habiter, ben, pour moi, c'est ça. L'habitat, c'est très, très simple. Je pense que c'est, en premier lieu, ça concerne le confort. Ben, un endroit avec un toit sur la tête, un endroit où dormir, un endroit où manger, et non un endroit où tu vas spéculer sur cet endroit-là et faire de l'argent en achetant une maison, en vendant une autre, en achetant une autre. Bon, anyway, on fait pas d'argent avec les maisons. Donc, à la base, un habitat, c'est pour vivre confortablement. Je vois pas vraiment autre chose à dire. Puis le commun, ben, ça revient à tout ça, en fait, parce que le commun, c'est moi, je pense que le commun, la base du commun, c'est l'interdépendance. Donc, si on se réapproprie la notion de l'interdépendance, que tous et toutes choses est interdépendant, donc c'est sûr que on revient au commun, parce que je pense que dans notre société, on n'est plus assez accroché sur cette idée-là qu'on dépend de tout, on dépend de tous et on dépend de tout. On n'est pas personne qui est autonome. C'est pas vrai, ça. C'est une folie de croire qu'on est capable d'être dépendant et indépendant, c'est-à-dire et qu'on est capable de se débrouiller tout seul, puis qu'on est capable de vivre sans personne, ou autant financièrement que là, c'est une fausse impression peut-être que l'argent nous donne, qu'on est capable de vivre de façon complètement autonome, mais c'est ça. Donc, au fond, je pense que c'est ça. Le commun, pour moi, c'est vraiment l'interdépendance. Je ne sais pas si vous avez lu le manifeste de... C'est-tu David Suzuki qui a écrit le manifeste de l'interdépendance récemment? Je ne veux pas me tromper, là, mais il y a un manifeste de l'interdépendance. Je pense que oui, c'est David Suzuki. Puis c'est hyper intéressant. Il faut lire ça. Ça revient au commun. Oui. Ouais, j'ai ça. Bon. Ok, c'est ça. Donc, c'est quoi le premier? L'eau, le fleuve. Donc, c'est ensemble. Ouvert, là. Tu ouais. L'eau, le fleuve, ça c'est pour moi. C'est ça? Ben, l'eau, le fleuve. Ben, le fleuve sans eau, c'est pas un fleuve. Le fleuve, c'est plus large aussi. C'est toutes les rivières qui viennent. Qui viennent nourrir le fleuve, en fait, qui monte de beaucoup plus haut. C'est le territoire qui vient toutes les rivières, tous les affluents du fleuve. Donc, toutes les rivières qui viennent d'Abitibi, qui finissent par aboutir dans le fleuve aussi, toute l'eau va finir par aller à la mer. Mais on n'en est pas conscient quand on est en haut. Au Québec, on est chanceux, on a de l'eau, il y en a. Puis, on le sait tous, là, ça va être un grand enjeu, probablement d'une prochaine guerre mondiale, ça va être autour de l'eau. Je veux dire, c'est une ressource qui est en pénurie à plein d'endroits. Donc, nous, on l'a en abondance. Comment redistribuer la richesse, les ressources? Question à 1 million de dollars. J'ai pas la réponse du tout. Mais, enfin, on a cette chance d'avoir cette ressource qu'on pourrait... Je suis pas pour la privatisation de l'eau, évidemment, là, comme le... Mais il y a comme une mentalité, tu sais. Ben, moi, je lis beaucoup sur la décroissance en ce moment, la décroissance économique, puis je pense que c'est vraiment une solution radicale pour contrer les problèmes environnementaux, puis de sociaux et de toutes sortes, en fait. À un moment donné, la ressource a une limite. On peut pas. L'idée du développement économique, toujours plus, toujours plus vite, toujours des profits. Plus gras, ça fonctionne pas. À un moment donné, tu vas arriver dans le mur. Là. Il n'y en a plus. À un moment donné, là. Ton gâteau, tu finis par le manger. À un moment donné, puis on. Voilà. Donc, je pense qu'il y a comme une vision de l'utilisation des ressources, puis le droit de propriété, autant sur l'état, sur les rives du fleuve, que sur le contenu du fleuve. On parlait du de l'absurdité des possessions fédérales et provinciales et municipales, du rivage et de l'eau et de son fond et de quoi d'autre. Donc, pour moi, il y a quelque chose complètement à revoir. Fait que dans ce sens-là, votre initiative de repenser est nécessaire. Le fleuve, c'est... historiquement, c'est une longue histoire, puis il y a beaucoup changé, en fait. Au départ, c'était vraiment sauvage, c'était rempli de morues, c'était rempli d'Indiens, c'était rempli de paysages sauvages. Maintenant, c'est plus pollué. Donc, le fleuve, aujourd'hui, je disais un peu, c'est quand même un grand désert qui a encore une richesse par rapport à plein d'endroits dans le monde où parce qu'il n'est pas ultra développé, les gens y transite, mais il s'y attarde peu, ce qui est tout le monde une bonne affaire finalement, parce que vu la tendance de l'humain à tout détruire là où il va, autant qu'il passe pas par ici. Là. Donc, je trouve ça dommage que les gens qui l'habitent le connaissent pas. On pourrait le connaître d'une façon beaucoup plus autochtone, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de contemplatif peut-être, puis de l'utiliser comme une ressource, mais qu'on protège, qu'on utilise avec parcimonie. Moi, j'aime bien la pensée des Autochtones qui, avant, pêchaient ce qu'ils avaient besoin. Si tu avais faim pour deux poissons, tu pêchais deux poissons, pas 12. Puis si tu as besoin d'un orignal, t'en tues pas 4, t'en tues 1. Donc, comme une espèce d'équilibre qui a déjà été possible entre l'homme et la nature, qui n'est plus là. Voilà, mais le fleuve, on pourrait mieux le connaître quand même. Il y a quand même une richesse juste de pouvoir contempler la nature, de pouvoir être en contact. Il y a des leçons de vie à apprendre là, plus qu'entre humains. Il y a quelque chose dans la simplicité aussi, puis dans le nous ramener à notre place, parce que tu peux pas naviguer sur le fleuve n'importe comment. Faut que tu respectes les marées, il faut que tu respectes les vents, il faut que tu respectes la température, tes limites aussi. Donc, c'est un bon outil d'apprentissage, mais qu'on sous-utilise. Voilà, ça c'est la première question. Fleuve eau, deuxième question. Habiter. Ben, je sais pas, habiter. On n'est pas un peuple de nomades, on est un peuple de sédentaires, donc on s'établit sur la terre. Donc, le fleuve est peu habité, je pense. Il peut habiter. C'est bien comme ça, en fait. Faut pas trop l'habiter. Parce qu'on va encore plus le polluer, encore je sais pas trop. Mais l'habiter, c'est pas juste habiter au sens de je fais dodo sur le fleuve. Mais comme je disais, l'habiter d'un point de vue autochtone, c'est de le traverser en canot, de faire du kayak, d'aller marcher sur les berges. Il pourrait être plus habité, mais il faut que ce. Tous les pays qui ont essayé de faire du développement économique, touristique, durable, soi-disant, ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que on part toujours dans l'excès, on veut toujours faire plus d'argent, plus ci, plus ça, puis le fait que l'impact est toujours grand. Fait que moi, qu'il n'y a pas de tourisme qui se développe au Québec, je trouve ça une bonne chose, en fait. Donc, je ne crois pas que ce soit l'habiter, le naviguer, oui, l'habiter au sens propriété, avoir des propriétés sur le bord du fleuve, ça, c'est déjà le cas, de toute façon. Ça pourrait arrêter juste comme c'est là, puis ça serait parfait. Il faudrait pas qu'il y ait plus de développement d'habitation côtier. L'habiter comme on habite un territoire, comme on comprend son territoire, ça, on pourrait le faire davantage. Plus dans la compréhension de... Ouais, l'habiter comme dans le sens de le comprendre. On va dire. Ouais. Que, voilà. Fleuve, habitation et quoi? Et le commun. Le commun, oui. Ben, c'est un bien commun qui n'est pas très commun, là. Qui n'est pas très communautaire, en fait. C'est un bien commun qui s'est fait prendre un peu en otage par les commerçants de l'époque. Mais ça remonte, autant le commerce du bois, tout le bois qui descendait par le fleuve, par les rivières qui se jetaient dans le fleuve, qui s'en allaient vers l'Europe. Les Indiens qui en ont profité, les premiers, pour mettre des postes de douane sur les rivières en amont pour prendre leur tribu au passage. Le fait que le commerce a commencé même là, mais... Donc... je sais pas trop, le commun. Ça devrait être un bien commun, mais ça ne l'est pas tellement, en fait. On regarde le port de Montréal, bien commun, non, désolé, c'est pas un bien commun. C'est des compagnies qui en profitent, puis d'attitude, là, c'est pas, il n'y a rien de commun là. Cet été, on est arrêté sur une île. C'était du bic, on a reçu une amende. On a eu un avertissement que la prochaine fois, on va avoir une amende. Parce qu'on est arrêté pour aller leur demander si on avait le droit de s'arrêter sur l'île. Parce qu'on est allé les voir pour leur demander, on a reçu un avertissement. Je suis comme, OK, bien commun? Non, clairement pas. T'sais. Donc, il y a des îles qui sont privatisées partout sur le fleuve. Fait que bien commun, non. Je sais vous voir, là, il y a où le bien commun là, sur le fleuve? Bon, les baleines sont un peu communes. Fait que non, il n'y a pas de bien commun. C'est fou dessus, ça. Votre question est bonne. Ça existe plus, le bien commun. Le fleuve est théoriquement commun, mais dans les faits, pas vraiment. C'est comme les plages au Mexique, en fait. T'sais, la plage est théoriquement publique, mais ils te foutent des hôtels juste devant. Fait que l'accès à la plage, il faut que tu passes à travers l'hôtel. Puis l'hôtel te laisse pas passer. Fait que c'est plus commun. T'sais. Fait qu'il y a plein de non-sens comme ça. Fait que non, le commun, ça n'existe plus. Non, tout est privatisé, en fait. Moins qu'ailleurs, là, mais. Quand même, c'est rien. Tu peux marcher sur des plages à cette île, puis là, c'est un bien commun. Hein? Les îles de la Madeleine, oui. Il y a des places là où le monde ne sont pas complètement devenus fous, mais plus tu te rapproches des villes, en fait, plus moins c'est commun. Plus c'est industrialisé, puis. Comme à Québec, ils ont fait une belle promenade. Là. Commun, j'imagine. Public. Voilà, public peut-être. Ouais, voilà. Vous me découragez, vous allez vous en. voilà, bien commun, je sais pas. Non, on n'est pas si commun. J'aimerais ça, mais bon, c'est pas vrai. Ok. Merci. Super. Merci. Ouais. Merci à vous. Merci du temps pour nous recevoir. Et pour nous, c'est la fin de notre. Enfin, je pense qu'on est très contents d'avoir mis les pieds sur un bateau aussi, de vous avoir vu. Finir notre voyage à Montréal. Donc c'est vraiment chouette. On avait prévu de faire une partie de la résidence sur le fleuve. On voulait vraiment voir aussi le rapport de la ville au fleuve depuis le fleuve, mais en fait ça a été assez compliqué ici, en kayak. Ouais, si. Ouais. Entre en gros l'île des Sœurs et le bas des Rapides là. Ok. Et puis, ouais, avec la navette, juste passer sur l'île Charon, mais très brièvement. Mmh. C'est déjà, vous avez déjà fait plus que plein de Montréalais dans toute leur vie. Là. Ouais. Et puis après, beaucoup de balades, mais on s'est aussi répartis. Ouais, enfin, chacun un peu vélo. En fonction des envies. On est parti à groupe de 2, 3 ou tout seul. Traverser le fleuve en vélo, bords, faire la bicyclette le long de la voie maritime. On allait du parc du Belvédère, nous tous on allait du parc du Belvédère jusqu'à la sortie du canal d'Achille. Ben même l'autre. Belvédère. De Bellerive. Bellerive. Tu as fait de Bellerive jusqu'où? Bah si on compte tous les trajets que les gens ont fait parce qu'on était nombreux, ça a permis de se balader, même si physiquement on n'a pas tout fait, on en parlait, les gens montraient les photos, donc le fait d'être nombreux, ça a permis de. Okay, ouais. Couvrir un plus grand territoire. Ouais. C'était. Ouais. Ah, Tout seul, on y serait encore pour quelques semaines. C'est bon, juste. Moi, j'ai en tout cas votre. Puis vous allez faire quoi après avec vos. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire avant qu'on s'en aille quand même. De toute façon, on vous tiendrait un peu au courant. L'idée, donc là, on a encore 3 semaines. Là, on était un peu dans une phase de recherche aussi à s'apprivoiser avec l'autre équipe, l'équipe québécoise, à voir, etc. Qui on va produire quelque chose à l'issue, certainement plus une publication, faire un petit bouquin. Il y a aussi pas mal des personnes de l'équipe qui sont assez forts en publication. Du coup, mettre toute cette matière intéressante, là, essayer de la retranscrire et de leur donner une forme. Sans doute une exposition aussi, mais qui aura lieu en France. On va essayer de faire venir peut-être à Montréal, on verra. Donc ça, on vous tiendra de toute façon informé, tout ce qui va. Ouais. Et même globalement, ça ne s'arrête pas juste à ce qui se produit dans cette résidence, dans ce cadre de résidence. Comme on disait, on est intéressé par l'eau en général et à plein de projets aussi qui cherchent des alternatives, qui se développent eux-mêmes, qui sont pas mal sur l'autodétermination et l'autodéveloppement. Et du coup, ça, notamment par rapport au projet de bateau, on travaille beaucoup en Europe, pour le coup, jusqu'à présent, dans une mise en réseau de toutes les initiatives qui sont un peu dans ce... Chaque expérience est un peu différente, avec une approche différente, mais justement un peu de tout le réseau sur l'eau et des gens qui essayent de pousser un peu les choses dans une approche plus sociale, humaine, créative aussi. Et de partage. Ouais. Donc même au-delà de la résidence, je pense qu'on pourra peut-être rester en contact ou partager aussi. Peut-être partager, ça vous intéresse aussi un peu de la matière. Enfin, dès qu'on aura travaillé un peu sur la matière, s'il y a des choses qui sont plus... On a rencontré des super personnes aussi, même ici à Montréal. Même à Montréal, oui. Non, bah, je sais. C'est même pas... Pour l'instant, on a rencontré que à Montréal. Non, mais justement, on était un peu étonnés parce qu'on s'y est pris un peu au dernier moment. Et en fait, tout le monde s'est rendu disponible, des personnes hyper intéressantes qui nous ont raconté que des choses hyper intéressantes. Du coup, il y a pas mal de matière qu'il faut encore qu'on déroche, etc. Mais dès qu'on a un peu mis en forme, pour pas avoir 6 heures d'écoute, mais un peu des passages pépites, on partagera ça. En tout cas. Il y a un côté que je trouve intéressant par rapport à ce que tu disais, c'était un peu des presses, mais vous êtes plein en fait. Il y a plein de gens qui pensent un peu les mêmes choses, et nous, on a eu la chance de croiser un climatologue, une experte en droit de l'environnement, la limnologiste et tout. Il y a plein de gens en fait qui. Une historienne qui s'intéresse vraiment aux usages, tu vois. Dans le même sens. Ouais, voilà, c'est ça. On les a rencontrés, on va les communiquer un peu, on mettra un peu ces entretiens à dispo, mais si vous voulez, voilà. Et les contacts aussi, potentiellement, si ça intéresse. Déprimer ensemble. Non, justement, au contraire, positif. Ah, ok, j'avais pas compris. L'espoir. Va tenter des trucs, quoi. Je sais pas, ramener une université avec ses... Ah, petit castor, hein. Castor.